Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast, après tout, un peu comme tous les autres Floodcasts, puisque je suis accompagné de mon fidèle co-host. Je parle bien sûr d'Adrien Méniel. Bonsoir. Bonsoir. Adrien, bonsoir. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ben non. Il n'y a pas de raison. Non, mais je comprends. Il n'y a pas de raison en fait. Oui. Si tu te présentes pas, je me présente pas. D'accord. C'est comme ça. Bon, moi, je suis un mec sympa et tout. Ouais, moi, je suis à la cool aussi. Donc, ok, d'accord, super. Mais nous ne sommes pas seuls car nous sommes accompagnés par Constance Labbé. Oh, oui. Salut. Axel, oui, t'as pas applaudi. T'as pas applaudi, ouais, vas-y. Pardon. C'est honteux de ouf. Putain, ah, merci, Axel. Le manque de respect. Ah, c'est horrible. Constance, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Non. Ok, je comprends. Non, si, je me présente, je voulais faire comme Adrien parce que c'est mon idole. Je m'appelle Constance. Et voilà. Je m'appelle Constance Labbé et tu joues dans Groom, tu es comédienne. Je joue dans Groom, je suis comédienne. Et tu fais du théâtre aussi. Je fais aussi du théâtre et j'écris aussi. Donc franchement, je suis hyper complète comme artiste. Exactement. C'est vrai. Et nous sommes également avec Axel Malivernet. Oh là là. Salut. Constance, toi, elle t'applaudit. Mais en fait, elle s'est présentée quand Adrien s'est présenté. Non, j'ai dit bonjour parce que je voulais dire bonjour à Adrien. Bah ouais, mais c'était comme pas clair. Comme dans une émission. Pas clair. Genre, on serait dans une émission. Genre, on serait dans une émission et tout. Axel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, j'ai fait Groom avec que des gens formidables. Arrête. Voilà. Principalement. Et deux merdes. Et d'autres trucs aussi. Mais, oui, et deux. Qui sont les merdes? Bah, ils sont là, je peux pas vraiment parler. Non, j'étais sûr. Allez, bien joué. Et mais t'as fait les tutos avant avec Nielito. Oui, j'ai fait plein de choses avec Jérôme depuis il y a 10 ans. Nielito. Nielito, bah oui, ouais, bien sûr. Les amis, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Sachez qu'il y aura également parfois Michel Sardou qui interviendra pendant l'émission. Ça me fait chier. Mais voilà, il sera là quand même. Oui, mais il sera là quand même. Comme d'habitude, pour commencer, on fait un peu le tour de l'actualité à la manière des grosses têtes. La première histoire, alors on commence à m'envoyer des histoires. Ça, c'est quand même assez cool. J'ai encore moins besoin de préparer cette émission. Et si vous saviez à quel point ça me rend heureux. Ça veut dire que t'es une star. C'est pas que je suis une star, mais c'est qu'en tout cas, j'ai trouvé les concepts pour que j'ai le moins à bosser possible. Et déjà, concept trop... volé aux grosses têtes. Volé complètement à déjà, même pas à trouver le concept. Non, et ça, en c'était plus... relou. Et du coup, voilà, maintenant j'ai même plus besoin de trouver les actus. Et est-ce que tu peux pas récupérer les émissions des grosses têtes pour qu'ils posent eux-mêmes les questions, etc. Mon but était même de scripter les grosses têtes et on les rejoue, mais entre nous, tu vois. Ça sinon, on rediffuse carrément les grosses têtes sur notre. Ah, putain, ouais. Bah, c'est vachement. Et on met de la pub et voilà. Ah, bah ouais, bah, on va faire ça. Ouais. Mais là, cette histoire nous vient de Ross sur le Discord. Voilà, on l'embrasse, il y a un Discord. C'est son pseudo, ouais. Ou Rose, je ne sais pas. Ah. C'est le Discord sur lequel vous pouvez venir, évidemment, il est dans la description. Une Canadienne. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Discord, Constance? Non. Alors, surtout pas vraiment me poser aucune question qui a rapport avec l'internet et la toile et l'informatique. En règle générale. En règle générale. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Discord, j'avais mis l'authentification à deux facteurs, je suis machin. Complètement paumé déjà. J'ai perdu mes codes. Je peux plus me connecter. Mais à vie, c'est terminé. À Discord, c'est terminé. Mais pourquoi? Bah, j'ai plus mes codes. C'est fini pour toi. Non, c'est vrai. Faut que je me recrée un compte. Mais fais mot de passe oublié ou un truc. Non, comme ça. Parce qu'il y a le mot de passe, mais j'avais mis le truc à deux facteurs où en plus tu dois entrer un code t'as supplémentaire. Oublié le nom de ton premier chien. Là, ça va me fatiguer. Hein, cette fois, direct. Non, mais... J'ai un problème avec ma box, Constance aussi. Si tu peux me dire aussi ce que. Carrément, je regarderai non, ça. Mais tout ça pour dire que voilà, sur le site de Discord, ils disent ah bah si vous avez perdu ça, c'est terminé. Vous recréez un compte. Donc voilà. Dans votre pour moi, Discord. Discord, c'est une dispute. Hein. Bah, c'est ça. Bon, parce que c'est lié, tu vois. En fait, c'est un forum, en gros, grosso merdo. Donc c'est pas lié. Un forum. Si, un forum de discussion. Donc on peut avoir une petite Discord, Constance. D'accord. Tu sais. Alors, donc, cette histoire est celle d'une Canadienne qui a gagné son procès contre la police. Car cette dernière, donc je parle de la police, avait désobéi à un ordre bien débile en gare de Montmorency à Laval. À votre avis, quel était l'ordre de ce policier? Alors attends. La meuf a désobéi à un ordre. Voilà, et en fait, elle a attaqué la police en procès en disant mais ça c'est débile comme ordre, je vais pas payer une amende pour ça. Et après 10 ans, non, justement, elle a gagné après 10 ans de combat, elle a gagné. L'ordre de ce policier était assez stupide. C'était pas le truc de. Parce qu'il y a eu ça à Toulouse, je crois, où un mec a donné une pièce à une ambiante et il a pris. Alors c'est pas ça. Au Canada. D'accord. Au Canada. Ah, au Canada. Non, oui. C'était ah, oui, pas, Laval, c'est pas au Canada. Arrêter de fumer dans la. Arrêter de fumer? Non. Ce serait fou d'ailleurs. Mais non, mais parce qu'il y a des rues aux États. Arrêtez de fumer, je veux dire, dans la vie. En Amérique du Nord, il y a des rues qui sont non-fumeurs. Passer sans gluten. Des rues non-fumeurs. Ouais, des rues non-fumeurs. Moi, je me suis déjà fait arrêter pour fumer dans la rue. Waouh. Ben, peut-être un pays que j'adore du coup. Parce que moi, vraiment, j'adore. Non, parce que. Voilà. Est-ce que c'est proportionné par rapport aux 10 ans qu'elle a passé à gérer ce truc-là ou vraiment c'est abusé? C'est énormément disproportionné, c'est tout l'intérêt. C'était dans une gare, tu disais? C'est dans une gare. Est-ce que ça. C'est lié, ouais. Voilà. Caroline. Arrêtez de chanter. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le civisme? Caroline, c'est lié en fait. J'avais. D'accord. Bah, riez en fait quand je fais une super. Alors moi, je connais pas cette personne. C'est une actrice. Ok. Moi, je connaissais pas non plus. Bon, bah, crevé. Ok, donc elle était dans une gare. Est-ce que ça a un rapport avec le civisme entre les humains, quoi? Pas du tout. C'est un est-ce que c'était dans un wagon? Non. Est-ce que c'était dans un train? C'est sur lequel? Et c'est un truc qu'elle était en train de faire et qu'on lui a demandé d'arrêter de faire. La police lui a dit arrêtez de faire. Elle a dit bah je vois pas pourquoi j'arrête. Manger une barre chocolatée. Non, ils ont dit c'est une mauvaise image pour les enfants. Elle a fait bah quand même je fais ce que je veux. Ils ont dit ah ouais 8000 balles d'amende. Je suis le Père Noël. Waouh. Putain, bah je vous écoute. Est-ce que c'est un truc qui qu'on peut faire ou vraiment quand on va le découvrir, on se dit personne fait ça dans un train. Non, c'est un truc que justement tout le monde fait. Ah, mâcher du chewing-gum. Non, mais la gare a son importance. On peut faire ça quasiment que dans une gare ou faire le jingle genre ta ta ta. Dès que t'es dans une gare, tu te sens obligé de faire. Bah, j'adore, je suis là ta ta ta. C'est une bonne idée. Il y a un procès entre Pink Floyd et la SNCF à cause de ça. Ouais, il a samplé. Il a samplé genre le bassiste ou je sais pas quoi de Pink Floyd a samplé le pa pa pa ra. Et donc c'était genre un hommage. Je crois qu'il y a pas de procès. Si, la SNCF a dit, dis donc, c'est du plagiat total. Ah ouais, donc il y a une guerre juridique entre les deux. La en ce SNCF, ils sont gonflés. Ils sortent même pas d'album. Enfin, c'est ridicule. Ils font la grève après les mecs, putain. Attendez, il faut qu'on se reconcentre. Faut qu'on se reconcentre. Pensez à un truc que ça va être que ça pendant deux heures. Ça va hyper me stresser déjà. Je transpire parce que les digressions sont encouragées. En fait, elle a fait un truc sur un moyen de locomotion qui n'est disponible que dans les gares ou dans les centres commerciaux. Les petits, petits chariots là pour porter les... Non, ça a son importance, ouais. Les centres commerciaux, les escalators. Escalator, elle a fait un truc sur l'escalator. Elle a marché dans le mauvais sens. Non. Elle n'a pas marché, elle s'est arrêtée. Non. Non, attends, ça quand même, ça va. Mais c'est encore, c'est de ce niveau-là. Hein, bah après, c'est ridicule. Elle a couru. Non. Elle n'a pas tenu la rampe à droite, mais à gauche. Ah, elle s'est arrêtée. Non, mais d'accord avec Axel, parce que c'est pas lié au truc droite-gauche, mais elle ne s'est pas tenue à la rampe. Alors, en gros, je vous raconte l'histoire. C'est obligatoire, donc. C'est une blague. Non, justement, c'est toute cette histoire. Bon, enfin, on est fous. Bella. C'était son ex, le keuf. la rampe. Bah moi, voilà. Je pense... Mais quoi, Stéphane. Il y a plus de 10 ans, en mai 2009, Madame Kozoyan, ou Kozian, je ne sais pas, a été arrêtée par un policier de la ville de Laval. Kozyandi. Fabio Camacho. Ah bah c'est pour ça. Mais oui, exactement. Antoine Vim le Binge. Binge. Pour avoir refusé de tenir la main courante en descendant l'escalier roulant de la station de métro. Une fois arrivée en bas de l'escalier, elle a refusé de s'identifier. Monsieur Camacho et un autre collègue l'ont conduite à une salle de confinement, l'ont forcée à s'asseoir sur une chaise et l'ont menottée en raison de son comportement agité. Moi je crois qu'elle était très jolie et que les policiers étaient des gros cons. C'est des gros porcs. Tu veux dire des cas macho. C'est peut-être joli. C'était peut-être le keuf chargé de l'affaire du petit Grégory là. Oui, qui est un énorme porc. Oui, c'est dans le documentaire ça. Ouais. Putain. En gros le flic moi je l'ai pas vu mais j'ai vu les images tourner. Le flic qui a été chargé de l'enquête après la mort du petit Grégory explique dans le documentaire que en gros, la mère du petit Grégory, quand même, en gros, pour faire très simplifié, il la trouvait bonne et du coup, c'était un peu louche qu'elle soit bonne alors qu'elle venait de perdre son fils, donc elle était suspecte, quoi. Et ouais, on avait quand même plus envie de la séduire que. On s'attendait à une mère éplorée et là, elle était. On avait plus envie de la séduire quand même. Elle était avec bizarre, ses nichons et tout. Ouais. Quand même, va, elle était là, nous regardait avec ses yeux et tout. Donc voilà. Donc okay. C'était peut-être lui. Moi, ma théorie, c'est que si le petit Grégory était pas aussi beau, on n'en parlerait plus. C'est juste c'est un bel enfant, tu vois. Je pense qu'il était moche. Si, mais moi je suis plutôt OK avec toi. En vrai, il y a non, plein mais on parle plus des gens beaux et des trucs comme ça. Non, mais s'il n'était pas blanc aussi, peut-être. Non, mais en vrai, il y a vraiment un. Bah, il est blanc et beau. Ouais. C'est un double truc. Il y a une chanson c'est pas de blague aussi, que je faisais. Hein. Et il a l'air un peu riche. Donc, non, mais c'est vrai. Il l'était pas trop, mais. Non, mais tu vois. T'as regardé, toi, le docu? Alors, C'est ma recommandation de fin d'épisode. Ah yes, ok, vraiment, on la garde pour plus tard. Ah bah super. Tout ça pour vous dire que ensuite, Madame Kozoyan a poursuivi le policier, la ville et la société de transport étaient très agacées. Elle l'a poursuivi dans la rue. Hein. Ouais, rien à voir. Et donc les tribunaux ont commencé à rejeter l'affaire, nanani, nanana, vous connaissez. Et ensuite, dans un jugement unanime, la Cour suprême du Canada a tranché que Madame Kozoyan n'a commis aucune faute et qu'elle était en droit de refuser d'obéir à un ordre illégal d'un policier. Merci. Et cette décision met fin du coup à une saga judiciaire qui aura duré plus d'une décennie. Putain, ils ont vraiment incroyable. Ça. Il y a une série Netflix au Canada. Il y a une série Netflix là sur ce truc. Making a Murderer. Ouais, Making a Murderer saison 3. Madame Kozoyan recevra quand même 20 000 euros. En dommage intérêt. Oui, mais ça rembourse ses frais d'avocat et tout. Je sais pas si elle avait 20 000 euros de frais d'avocat. Elle aurait quand même pu lui filer des dollars canadiens. Non, c'est des dollars, c'est des dollars. Et à la base, elle avait quand même demandé 69 000 dollars. Voilà. Ouais, exagère pas quand même. Est-ce que je peux faire une digression ? Je t'en supplie, c'est le concept. J'ai lu ce matin un truc un peu similaire. Il y a 10 ans, un vigile de supermarché qui a abattu un mec qui avait l'air louche. Attends, en France ou non, aux États-Unis, évidemment. Et il était évidemment noir. Et qui, il avait l'air louche, donc il l'a abattu. Et là, il vient de porter plainte contre les parents pour avoir engendré un enfant louche. Non, pour s'être arrangé sur leur témoignage, etc., pour venir aggraver son cas. Donc le mec tue leur gosse et ensuite leur fait un procès. Je trouve ça audacieux. Audacieux, c'est le bon mot, je pense. Ouais. Vous avez déjà eu vous affaire à la police pour un truc un peu débile, alors peut-être pas aussi con, mais. Non, pas vraiment, j'ai une vie assez... Non, tout à l'heure, en revanche, je le fais rapidement, mais donc il y avait manif. Et moi, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, c'est, oh, bah, c'est la grève en France. Donc on est clairement pas solidaire déjà, parce qu'on nous, on bosse. Ouais. Après, c'est pour un truc gratuit, donc est-ce vraiment du travail? Voilà, puis voilà, calmez-vous. Non, mais je marchais Place de la République, et la manif était partie, elle était déjà boulevard Voltaire et tout, donc c'était la Place de la République était vide. Et il n'y avait même pas de skateurs qui se vautrent. C'est dire si, dit. Si, il y avait des skateurs quand même. Ils reviennent dès qu'il y a une fin de manif. D'ailleurs, skateurs, il y avait marqué, il y avait tagué Grind la grève. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il avait tagué ça sur les trucs de skate. Le gars qui s'est dit putain, j'ai réussi à allier mes positions politiques et ma passion, le skateboard. Et donc, je marchais, j'allais vers chez toi. Et je vois genre un mur de CRS qui marche vers moi, mais genre normal quoi. De toute façon, il y a des CRS. Non, il trottinait. Les CRS trottinaient. Normal, il y a toujours des murs de CRS. Non, mais je dis toi. Normal parce qu'il y a des CRS partout. Ouais. Genre partout. Énormément de CRS. Donc j'en vois. Et je vois un mur qui arrive vers moi. Je me dis, bah, ils se baladent. Encore une fois, ils étaient en trottinette électrique. Hein, donc, voilà. Et au moment où je vais les croiser, il lève son bouclier. Il y en a un qui lève son bouclier. Il fait, non, monsieur, non. Donc l'ordre assez peu précis, mais saoulé, quoi. Je dis, bah, non, quoi. Je vais où, quoi. Enfin. Je veux bien obtempérer, mais... Rappelons que t'es Flyrider en plus. Donc. Je suis Flyrider, donc il m'avait identifié. Et donc, je me décale un peu, et puis j'essaye de passer quand même, quoi. Ouais. Donc là, il y a une CRS qui relève son bouclier, qui fait « Ah, monsieur, monsieur !» Et il y en a un qui fait... Pas clair. Ouais, voilà, donc ça me saoule. Après, ils ont une grosse journée aussi, sans vouloir... Et avant que je dise « Bon, mais oui, mais quoi ? Je fais quoi ?» Il y a un mec qui fait « Non, mais c'est bon, vous pouvez passer. » Donc il s'écarte, je passe. Et quand je passe à côté, il fait « Je suis abonné oh ». Hey, c'est vrai ? Ouais, ouais. Floodcast, l'ami des puissants. Voilà, alors est-ce que c'est abonné ? Peut-être qu'il m'a confondu avec mon frère, ce qui est ma théorie. Parce que abonné, quoi ? Peut-être à, bah, oui, peut-être à Insta. Mais... Oui, ou Golden. Peut-être Golden. C'est peut-être un Floodcast Aldi. Peut-être. Un Floodcasseur de manifestants. Oui, bien sûr. Moi, c'est pendant toute ma fac, on me prenait pour un dealer. J'ai été beaucoup arrêté en tant que dealer parce que j'avais toujours un sweat à capuche et on croyait que je dealais de la drogue. T'étais TI2. Non, mais en vrai, j'ai des grosses. Bon, toujours un peu, mais j'avais des grosses cernes et je crois que gros nez, grosses cernes, ça fait un peu vendeur de drogue. C'est pas pour te reprendre parce que c'est une erreur que tout le monde fait, mais cerne, c'est un mot masculin. Ah ouais ? C'est un cerne ? Ouais. Bah arrête. Voilà. Ça, Adrien me l'a appris pendant le tournage. Ah bon ? C'est vrai ? Oui. Bah, tu vois, je touche tellement de gens que. Tu m'as appris beaucoup de choses. Hein. Oui, en fait, mais tu sais, en fait, il vilipende son savoir, mais avec une espèce de doigté et qui est assez. Et avec beaucoup de délicatesse et de simplicité. En fait, il l'impose pas. C'est ça qui est fou, en fait. C'est comme une caresse sur la joue, au final. Mais qui rendrait intelligent. Bah. Moi, j'ai la particularité d'avoir jamais de ma vie été arrêté par un flic, ni pour un contrôle ou quoi. Ah ouais? Et quand tu entends les gens qui. Et pourtant, tu plantes des mecs. Ouais. Non, mais quand t'entends certaines personnes qui se font contrôler plusieurs fois par jour et tout, il y a quand même un problème. Certes, j'ai l'air inoffensif, mais quand même une fois, contrôlez-moi quand même pour équilibrer les stats, quoi. Enfin, ouais, surtout, même, je pense que t'as envie maintenant un peu, non, de te faire contrôler. Non. En même temps, tu t'habilles en bleu comme un keuf, mon pote. Je suis de la maison. Bon, moi, là, c'est un peu une private joke, mais Axel s'habille tout le temps en bleu, tout le temps, tout le temps. Mais parce qu'il adore la France, deux étoiles. Bah, aujourd'hui, il est en bleu et rouge même. Oh là là, et Bordeaux, son visage est blanc. Bordeaux. Donc pour moi, t'es un drapeau en fait. Ouais. Ouais, tout ce que je vois devant moi, c'est un drapeau qui bouge. Qui est de Raga Sonic. Bien sûr. Et sinon, moi, c'est avec la. Bah, c'est pas des flics parce que, bah, vu, oui, j'ai pas beaucoup été arrêté par la police. Mais c'est avec la RATP. Moi, là, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je me faisais beaucoup contrôler parce que je payais pas, j'avais pas. Quand j'étais étudiant, j'avais pas les sous pour payer le pass Navigo. Donc c'est quoi un peu d'argent? C'est ton premier million ou c'est. Parce qu'on est chez toi quand même. Oui, ouais. Non, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, je parle. Quand j'étais étudiant, j'avais vraiment pas beaucoup de thunes. Donc je grillais le métro. Ça me coûtait moins cher de payer des amendes que de payer un truc, tu vois, et de machin. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, une fois je me suis fait contrôler et le hasard fait que je n'étais plus dans ma zone parce que maintenant je vivais à Paris et j'allais, bah, je crois, à Canal ou un truc comme ça. Et j'ai vu que j'y suis allé en RER. C'est plus. Ah. C'est truc très con de Paris, c'est quand tu vas à Canal en métro, c'est bon. Mais en RER, c'est plus la même zone et tu dois payer zone 3 ou je sais pas quoi. Bon, bref, je me fais contrôler. Et alors ils me disent, hey, monsieur, vous êtes fait contrôler. Je fais, c'est combien? Il fait, c'est quand vous pouvez payer? Je fais, moi, je paye maintenant tout de suite. Et moi, je les regardais droit dans les yeux. Et j'ai eu une espèce de revanche un peu nulle de, bah, maintenant, je peux payer mes amendes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu pouvais pas les payer avant? Ben non, ils me les envoyaient par le courrier. Tu sais, c'était des trucs où. Ah. En fait, c'est vraiment un truc pour enfoncer donc les gens qui n'ont pas de thunes. Pour info, la RATP. Vous pouvez maintenant lui renvoyer ses amendes à la bonne adresse, il va les payer toutes d'un coup. Non, mais si, je payais mes amendes, mais en fait, la RATP, il y a un truc un peu pourri où tu peux les payer tout de suite. Ah oui. Tu peux payer l'amende tout de suite avec ta carte bancaire. Et c'est sauf plus que... cher, non, c'est pas ça. Et c'est ça, sauf que quand t'es étudiant, t'as qu'une carte Electron, donc en fait, 45 euros. La musique dans la peau, ça dédicie Bobo. Ah, ça faisait longtemps. Putain, ça fait du bien. Hein. Est-ce que c'est Kessia et DJ Bobo qui disent ou c'est autre chose? Moi, j'ai Eddie de Preto. Dans pas longtemps, il y aura Eddie de Preto. Il dit ça. Oh, et... préparez-vous, ce sera un hit. C'est les paroles. Il y aura un jeu sur son nom. Constance, ouais. Est-ce que tout ça répond un peu à ta question sur à quel point on peut faire des digressions ou pas? Mais ce qui est rigolo, c'est que ma reco de fin d'émission. C'est une digression. Et en parfait accord avec ce qui se passe. Oh là. Okay. Et la boucle sera bouclée. Mais à ce moment-là, je d'abrais. J'ai pas d'anecdote avec les flics. En revanche, enfin, sauf celui qui m'a arrêté parce que je fumais dans la rue. Mais ça, bon, c'était nul. Ah, donc à Montréal. Oui, oui. À New York. New York, pardon. Et c'était du gros shit. Et bon, ouais, alors, effectivement, j'avais de la coke aussi. Mais wow. D'accord, ça va aussi. Un Japonais a été arrêté pour harcèlement au téléphone après avoir passé près de 400 appels en une semaine. À votre avis, qui appelait-il? Guillaume Play. Quoi? Guillaume Play. Est-ce que c'était par rapport à un achat qu'il avait effectué? Non, pas du tout. Est-ce que c'était un humain, enfin, qui connaissait? Non. Est-ce que c'était une boîte vocale? Non. Bah non, harcèlement. Un truc de Paris? Non. Un SAV? Oui. Ah, bah. Mais c'était pas par rapport à un achat qu'il avait fait? J'accorde le point à Axel parce qu'on est vraiment pas très loin. C'est pas un SAV. Et je suis à deux points là. Hein. Pardon. Parce que service après-vente, si ça n'a pas rapport avec achat qu'il a effectué, non, faut parce pas que me prendre c'est pour pas... un jambon en fait. Ça c'est pas être... le service après-vente. Allez-y, je vous laisse encore un peu de temps. Voilà. C'est pas le service après-vente, mais on est très liés. Service client. Voilà, bon bah voilà. Mais, de son opérateur téléphonique. Ouais, En gros, cet homme de 71 ans a été placé en garde à vue la semaine dernière parce qu'il avait passé au total. Près de 24 000 appels pendant 2 ans. 24 000 pendant 2 ans. Depuis des cabines publiques pour exprimer son mécontentement. 1000 appels par mois. Oh, stylé. Ça pour fait 300 par jour. Non, 30 par jour. Bonne cadence. Pour exprimer son mécontentement et insulter ses interlocuteurs au bout du fil. Donc voilà, il était pas très content, donc du coup il a beaucoup appelé. Mais ce que je comprends, parce que moi les services clients c'est vraiment la folie. C'est vrai. Ouais, mais wow. Si c'est Bouygues, je comprends, tu vois. 30 par. Non, mais attends. C'est Orange, maintenant il y a une règle. Moi ça avait coupé avec Orange. J'attends qu'ils me rappellent parce que c'était. Il y a des quartiers d'Orange du coup. Ouais. Si ça avait coupé. Le petit quartier d'Orange quoi. Je suis content de pas être tout seul. T'avais eu un pépin avec ton téléphone ou. Ouais. Oh là là, ils Non, ils m'ont même pas tenu au jus les mecs, tu vois. Oh. Ah. Et c'est là que ça s'est corsé, Joker, la marque. Non mais donc en gros je les ai appelés, ça a coupé et ils ne te rappellent pas. Donc tu dois les rappeler, dire oui j'étais en lien avec quelqu'un. Oui bah redonnez votre numéro au client et tu refais mais la même. Ils étaient pressés peut-être. J'allais vraiment dire et tu Attends, refais. J'ai dû réfléchir pour l'avoir. Et tu refais la même limonade, moi j'allais dire. Ah oui. Avec une orange. Ouais. Au Japon, toujours, il est. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder une bonne série, il y a Grum. Il y a aussi Orange is the New Black. Un maximum de jeux de mots. Axel, je cherche les auteurs. J'avais évidemment Orange is the New Black. Mais bah oui. Il y a le mot orange dedans. La condescendance, toi, je l'avais, j'ai pas voulu. Toi, t'es plus foot, Jean-Pierre Pépin. Oh, si elle est pas mal, on peut demander peut-être. Ça me fait chier. Ouais, non, bah, ça va. Non, non, bah, on peut rien dire en fait avec Michel. Je m'en fous, moi. Oui, bah, il y a des gens qui s'intéressent donc. Vous allez vous faire foutre. Oh, calme, on peut rien dire, on peut pas parler. Oui. Au Japon, toujours, il est possible de dormir à l'hôtel pour seulement 1 euro, mais à une seule condition. On se fait pisser dessus par tout le personnel. Bien joué, Adrien. J'y suis allé. Non, tu déconnes. Ah, il est fini. Marche toujours, Axel. Ouais. Il est crédule, ce mec. Donc, non, c'est pas ça. Hein. C'est quoi? Moi, je lui ai dit, alors, ouais, je suis comédien. Il m'a cru. Ouais. Non, mais au Japon, ils ont des. Tu peux prendre un hôtel pour une heure ou une demi-heure, des trucs comme ça. Est-ce que c'est. Non, là, faut y rester 24 heures. Ah, 24 heures. Ce que j'allais dire, c'est que tu restes une minute. Tu fais le ménage? Non. Dans toutes les chambres. Ça serait pas drôle. Donc, c'est le principe d'Airbnb, ça, vraiment. De faire le ménage. C'est 1€. 1€ la nuit. 24 heures, mais il y a une condition, pas piquer des verres, c'est ça? Ah oui, sinon. Oui, non, mais c'est. Est-ce qu'il faut qu'il fasse quelque chose que, que normalement des employés feraient? Très bonne question. Pas du tout. Ok. Est-ce que c'est. Tu es filmé, tu es filmé et diffusé en live sur internet. Sur Twitch. Il est extrêmement fort. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, bah je vais te le dire. Que je suis doué, c'est non. Tout. c'est ça? Oui, alors au Japon, dans un hôtel, tu es. Fort. Pendant 24 heures, c'est à Fukuoka. Ah, au Japon. Fukushima, je... c'est, tu payes déjà le prix de mourir un an après. Donc... toutes les chambres sont accessibles à une condition, accepter d'être filmées jour et nuit pendant 24 heures. Les images sont diffusées en live sur la chaîne YouTube de l'établissement. Cette idée folle est signée par un hôtelier de 27 ans, bien décidé à tirer le meilleur parti des réseaux sociaux. De nos jours, les jeunes ne se soucient plus de leur vie privée. Beaucoup d'entre eux sont prêts à être filmés le temps d'une journée seulement. Franchement, je le fais, moi. C'est du voyeurisme, évidemment, rémunérateur. Les voyageurs qui seraient tentés par cette expérience insolite ont le droit d'éteindre la lumière et ont pour consigne de ne pas laisser apparaître leur papier d'identité et autres documents officiels à l'écran. Attends, on peut éteindre la lumière? Ouais. Mais, non, mais ça veut dire que okay. juste... On peut aussi cacher la caméra. Tu fais ta life. T'as pas besoin de faire des trucs particuliers. Non. Genre, faut se branler une fois. Te baiser. Te baiser avec la télécommande de l'hôtel. Ce serait trop drôle quelqu'un qui dit ça pour dire se branler, quoi. Je me suis baisé là. Non, moi je me suis fait l'amour. D'accord, ouais. Je me respecte, je me mets des bougies. Je me suis déglingué, moi. Tu fais du sale. Voilà. Mais toi, t'accepterais, Adrien? Bon, ouais. Bah, j'ai une vie très chiante. On le verrait avec son petit réchaud là. Moi j'aimerais bien voir ça. Mais je crois qu'il y a quand même. Fallait venir dans ma chambre. Il y a caméra dans la douche, il y a caméera partout hein, quand même. Hein. Ah ouais, dans la douche. Ouais. Ah oui, donc faut se foutre à poil. Sauf si tu te douches pas quoi. Ouais, bah. Non, remarque. Et chier. Ça, je sais pas, j'ai pas tous les détails. Tu peux te déshabiller. Ça va trop loin là, pardon. Mais... Bah non, mais s'il y a caméra. Une caméra dans le trou de balle aussi. Ouais, pardon. Ça ils ont le droit. Mais ça c'est. Mais 50 centimes la nuit, du coup. Ça c'est cool. Non, alors je le fais pas. Tu vois. Bah, en plus, si on doit chier, bof. Bah non. Ça parle d'hôtel. Là, on a des gens autour de la table qui ont travaillé sur la série Groove, on peut le dire, hein. Une seule saison. Quel est votre max? Parce que Axel, toi, je sais, c'est toi qui nous a amené cette idée de la série Groove. Ouais. Je sais que t'as un rapport avec les hôtels assez particulier. Est-ce que il toi, ça, t'as des limites sur les hôtels? T'as des trucs qui sont pour toi inconcevables? Est-ce que t'es un peu relou? Bah non, j'aime bien quand c'est bien quoi. J'aime bien que ce soit confortable et du coup j'aime bien les hôtels, les beaux hôtels. Les beaux hôtels. Pas les palaces ou les trucs hors de prix, mais on fait en sorte quand on part en vacances de trouver des trucs plaisants. Et on se fait vraiment des stratégies de ok, donc on part tant de jours, on se fixe un prix moyen et on essaye de genre commencer sur les trucs, on va vadrouiller donc on prend des trucs un peu nuls pour finir par les trucs fat quoi. Et moi ça j'ai du mal à le faire parce que moi ma meuf justement elle est très comme ça de on s'en fout, on se balade et on trouvera des hôtels dans le coin machin, alors que moi j'ai vraiment besoin en vacances d'avoir une chambre où je suis bien, pas forcément pareil, pas forcément une belle chambre, mais un truc. Moi je suis très regarder les notes par exemple sur Booking. Vous allez que dans les hôtels? Parce qu'aujourd'hui il y a quand même moyen de contourner les trucs en faisant autre chose que des hôtels. Ah non, moi j'adore les hôtels. Ouais. Airbnb, moi, j'ai fait une fois, j'aime pas. Ouais, les gens ménage et tout. Mais la déco, la déco des gens m'oppresse. Moi j'ai fait quand on faisait des festivals, des trucs, tu sais, quand on faisait Frames ou Angoulême ou des trucs comme ça. Et souvent, ils te prennent des Airbnb. Ouais. Et vraiment, il y a un truc assez oppressant de, non, moi, de la déco, de la vie. Ouais. Mais genre, chambre d'hôte, par exemple. Bah, pareil. J'ai déjà fait aussi, mais je préfère hôtel. C'est vraiment, tout est mieux, quoi. Non, ouais, mais même les petits hôtels, on se débrouille pour faire des trucs où c'est genre minimum 9 sur 10. Même dans cette gamme de prix, il faut que ça soit stylé, quoi. C'est ça, moi je suis très adepte des notes sur Booking. Alors que ma meuf est vraiment genre, mais on s'en fout, c'est pas là, les vacances, c'est faire des activités. Je fais, non, c'est vraiment très bien dormir dans d'excellents draps. Ouais. Toi, t'es relou, Adrien, avec ça ou pas du tout? Non, ma meuf plus. Ah ouais? Non, mais elle a des trucs très, très précis. Genre, s'il y a des. Putain, comment ça s'appelle? Des dessus de lit. Ouais. Ça la dégoûte. Ah bah ouais, mais je comprends, mais c'est un peu craquant. Il les lave pas, je pense, hein, ça. Ouais, c'est voilà, sûr. Mais c'est des nids à... Ouais, mais moi je dis oui, bah, on l'enlève et puis voilà, après on dort. Enfin, je m'en branle. Bah, en fait, oui. Je suis moins. C'est le problème, c'est que des gens s'en branlent dedans. Mais je comprends que ce soit dégueulasse, mais. Mais non, en fait, comme toi, quoi. Voilà. Moi, je mes parents. Les notes, je fais bon, c'est pas mal. Moi, mes parents, c'est. Alors, faut qu'il y ait canal quand même. quand on était petit, quand on prenait l'hôtel. Ouais. Fallait, tu sais, c'était un... C'est des bons hôtels déjà alors. Mais c'était un vrai truc de vente. C'était sur la devanture de l'hôtel, il y avait écrit il y a Canal Plus. Venez, il y a Canal Plus. Mais il y a encore ça. Moi, j'ai, quand je suis allé au Frames il y a 2 ans, du coup, j'étais resté un jour de plus et du coup, j'avais pris un hôtel sur place et il y avait le truc Canal Plus, mais genre pas juste une affiche. C'était genre comme les trucs de pharmacie, quoi. Il y avait vraiment un truc qui était fixé au mur avec le logo ouais. Canal et tout. Mais c'est... Moi j'ai passé un peu de temps dans un hôtel récemment et il y avait genre le logo il y a Canal, je sais pas, 45 jours du tournage. Et il y avait le logo Canal, mais c'est Canal en clair. Donc il n'y a plus de Niso, il n'y a plus Omar et Fred, il ne reste plus grand chose. Donc je sais pas. Non, mais c'est vrai que moi je pense que c'est fou qu'ils aient pas adapté le truc avec. Par exemple, moi je peux foutre la honte à ma meuf en disant faut qu'il nous change de chambre, le wifi est pas bon là où on est, tu vois, parce que j'ai un truc de c'est important dans pour les hôtels, il y a jamais un bon wifi, moi je trouve. Enfin, ça, c'est jamais un truc ça de dépend, ouf. Là les 45 jours de tournage où était toi aussi tu as fait un tournage de 45 jours. Ouais, non enfin pas le même hôtel, rien à voir. Rien à voir, je trouve que c'était pile au même moment. Moi aussi, mais du coup ça fait t'as fait un tournage de 45 jours dans un hôtel. À peu près, ouais, un peu. D'accord. Moins. D'accord. Ça devait pas être le même, ça. Non, je pense pas. Moi c'était moins. Ouais ouais. Mais le truc c'est que moi je peux vraiment faire chier, je peux vraiment faire chier en disant non, moi je veux un meilleur wifi et tout. Le pire qu'on m'a fait, c'est à Las Vegas, où vraiment ils m'ont mis une chambre fumeur, où j'ai dit bah c'est insupportable. Déjà que ça existe, et hideux pour moi. Ouais. Mais il y a encore des chambres fumeurs dans les hôtels. Ouais. Bah Las Vegas, c'est le pays du vice, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais genre, en France, il y a encore des chambres. Je pense pas. Je suis pas sûr. Maintenant, je crois que c'est comme les restos, non, mais ça a dû être la même loi, hein, je pense. Ouais, mais ça pourrait être des chambres privées, tu vois. C'est privé, donc c'est pas comme un resto. Voilà, c'était un extrait de notre pièce où on incarne des gens de 76 ans. Si vous voulez venir la voir, c'est au Petit Boudoir à Paris. Moi, un hôtel où il y a des prises USB au mur, je peux sucer le gérant. Parce que on est en 2019, en fait. Donc, avec vos prises à la con de chiasse qui sont à 1 mètre du lit. Non, une prise USB juste à côté, bah oui, voilà. Voilà, bah tu vois. Ou alors petite prise USB sur la lampe. Ouais. Ouais, ça, c'est genre, bah, moi, allez, ce qui me c'est bon petit pour moi. Détail qui me fait un peu chier, c'est quand tu peux pas de ton lit éteindre toutes les lumières. Bien sûr. Exactement. Ah, on se moque Constance Labbé, puis tu le vois, bouton. C'est un sujet qui ouais, me touche. Ouais, en fait, tu vois quand je creuse, quand voilà, j'y suis. Oui, mais il y a un truc où c'est ridicule. Ah ouais. Ouais, c'est ridicule. Mais même le concept de moquette, moi je trouve ça un peu dégueu. Moi j'aime bien la moquette. Ah putain, moi je trouve ça un peu du carrelage dans une chambre, t'es où là? Non, mais du parquet, tu vois, un truc. Bon, bref. Du parquet dans une chambre d'hôtel? Bah ouais, en France, c'est quoi tes hôtels, toi? Non, justement, il y en a jamais. Et je trouve ça, je suis déçu. C'est pour ça que. Moi, la moquette, ça me dégoûte aussi. Ouais, ça me dégoûte un peu. Non, mais c'est dégoûtant, mais en même temps, entre. Non, mais il faut des chaussons, quoi. Mais je serais jamais pieds nus sur de la moquette. Ça me dégoûte vraiment. Non, mais moi je m'en fous que si c'est du lino, je m'en bats les couilles, en fait. Oui, non, du lino, ce serait bien. Je m'en fous du luxe, moi. Je veux que ce soit pratique. Bah, rappelons que c'est Fly Rider, une fois de plus. Exact. Eh, ça, c'est pour Macron, les moquettes. Hein. Eh, il l'a trop fumé avec ses lois, là. Oh là là. Allez, tiens, on descend dans la rue, mon pote. Alors, attendez, les gars, pardon, mais s'il y a un tapis, ça vous dégoûte tout autant? S'il y a du parquet avec mais un. Il n'y a jamais tapis. De tapis dans les hôtels. Ouais, mais imagine oui, bah, t'as du imagine. Parquet ou sur un canapé. Imagine, il y a un chien mort. Mais non, mais. Ouais, ça me dégoûte. Il y a un cadavre de Klebs sous le lit. Oh, et oh là ouais, sous les draps. C'est 20 euros la nuit aussi. Hein. Sous les draps, il y a le cadavre de Raymond DeVos. Bah, ouais, c'est dégueulasse, les gars. Et donc, en fait, à part carrelage, vous aimez pas. Ça vous dégoûte. Puisque... Non, la moquette, quoi. Tu la peux moquette, avoir... ça la me moquette, dégoûte, c'est dégoûtant, c'est tout. Non, mais... Et carrelage, c'est froid, donc c'est relou. Mais oui, mais donc voilà, c'est et quoi. Et bah, j'ai travaillé toute ma vie, d'accord. Non, mais carrelage, je préfère, quoi. Ah ouais. Mais il y a vraiment que les très mauvais hôtels ou les hôtels près de la mer qui font ça. Et qui ont hôtel près de la mer qui a un album de Benjamin Biolay. Moi, je crois que je suis même jamais allé dans un hôtel avec du carrelage par terre. Bah, je sais pas. C'est tant mieux pour toi, franchement. En tout cas. Non, mais j'ai fait des hôtels de merde. Ah. vraiment de merde. Bah, t'es une baroudeuse, toi, de toute façon. Ah, bah, je peux dire qu'en tournée, je me suis vraiment tapé la chure du bidet de l'hôtel. Hein. C'était le nom de l'hôtel. Mais, les pires. Vous le savez, sur les sites internet, quand on perd son mot de passe, on nous pose une question personnelle. On en parlait, Adrien, avec le Discord. Ah, tiens. Une question qu'on choisit parmi une liste souvent. Eh bien, quelle question un poil indiscrète JetBlue peut vous poser si vous vous inscrivez sur leur site? La taille de votre sexe? Non. JetBlue? JetBlue, une compagnie aérienne. Nombre de partenaires sexuels dans la vie? Non. Est-ce que vous avez le DAS? Est-ce que c'est une question intime? Un peu, mais pas sexuel. Ah. C'est un truc un peu bizarre. J'avais pas c'est mal pas de sexuel. Non. Ouais, bah on était tous là-dessus. Hein. Pardon, je mange une chips. Aucun problème. Je t'invite à la manger chip, un peu plus loin de ton micro et de t'approcher quand tu as envie de parler. C'est une chip. Merci, Flo. J'en ai qu'une. Je suis désolé. Donc c'est pas... Pas sexuel. Mais bizarre, quoi. Ouais, c'est un truc qui se demande pas. C'est bizarre. C'est difficile l'âge, de répondre. Bah non, pas l'âge. C'est difficile de répondre. T'as c'est difficile de répondre. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Votre père vous a déjà dit je t'aime? Pensez-vous que vous bénéficiez suffisamment de reconnaissance étant enfant? Est-ce que c'est une question que tu peux poser à un pote? Oui. Est-ce que c'est une question que tu as déjà posée à un pote? Moi non, parce que mes potes n'ont pas ce que demande la question. Ah. Des enfants. Ouais, c'est lié aux enfants. Est-ce que vous voulez des enfants? Quel est votre enfant préféré? Ouais, bien joué, Axel Malivernet. Ah. Non, mais c'est... Non, mais t'as aidé, c'est vrai, t'as aidé. Mais... J'aurais pu aller plus vite, j'avais une chip dans la bouche. Mais je t'invite à la manger loin du micro. Oui, s'il te plaît. Ça va être une merde. Calmos. C'est JetBlue qui, parmi les questions, vous invite effectivement à savoir donc, quel est votre premier amour, quelle est la marque de votre première voiture, quel est le deuxième prénom de votre mère. Et là, c'est quel est le nom de votre enfant favori. Moi, ça j'aime bien, ça me fait rire. Et bien, JetBlue a assumé. C'est-à-dire que les gens ont fait un tweet en disant non, JetBlue, Calmos. Et ils ont fait, en vrai, il y en a toujours un que tu préfères. C'est assez drôle. Ça n'a aucun intérêt ce que je vais dire, mais moi, JetBlue, ça m'a toujours fait penser à la marque Clear Blue. Oui, qui est une marque de tests de grossesse. Bien sûr, j'ai même confondu quand moi j'ai, ouais. Moi aussi, non, et donc ça me fait rigoler. Le nombre de vachement. Meufs enceintes qui pissent sur des avions chaque année. Non, mais en terrible. Vrai, par contre, en termes de sécurité, c'est vraiment nul parce qu'il suffit de connaître la personne, savoir le nom de ses enfants, tu les sais tous et tu. S'il a trois enfants, tu as trois essais, tu trouves. Mais moi, je. Bon, déjà, t'as envie d'arnaquer des potes. C'est vrai. Pas très sympa. Adrien. Ah non, mais de toute façon. Les hackers. Il a pas fatement cerné les vices de notre société actuelle, et voilà. Je suis à fond sur la sécurité, c'est pour ça que j'avais mis le truc en deux étapes. Malheureusement, j'étais pas hyper carré, quoi. Mais moi, j'avais un truc à l'époque où, à la question, je remettais un autre mot de passe. Genre, c'est qui était le nom de votre chien? Et je remettais un mot de passe. Ah, pas mal. J'ai évidemment oublié le deuxième mot de passe, donc ça ne sert absolument à rien. Mais moi j'avais lu une étude, effectivement jamais les parents te disent c'est celui-ci que je préfère, même si tu le sais quand c'est pas toi. Oui. On le sent disons qu'il y a des exemples au quotidien. Mais pour autant ils avaient fait une étude, genre ils avaient demandé à un panel représentatif de noter sur des critères physiques des enfants, du plus beau au plus moche. Et le petit Grégory a eu 10 sur 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle toujours. Et une fois ces chiffres compilés, ils ont observé la manière dont ils étaient attachés en voiture et les enfants beaux étaient mieux attachés en voiture que les enfants moches. Un prisonnier a cru pouvoir profiter d'une libération alors qu'il était condamné à vie. Pourquoi a-t-il pensé cela? Parce qu'il était innocent? Non. Attends, parce qu'on croyait... lui a dit parce qu'on l'a amené dehors pour le tuer. Non. Quoi? Attends, il croyait qu'il allait. En fait, il a cru devoir profiter d'un loophole, j'ai envie de te dire. Une petite faille, voilà. Mais qui n'est pas vraiment une faille, mais lui, il a cru que c'en était une. Il a cru pouvoir surfer dessus. Et clairement, on lui a dit non, tu es bien condamné à vie. Et à votre avis, quelle était cette faille? Il avait un homonyme? Non. Est-ce que c'est. Non, ça me paraît gros, mais. Mon sexe. Il a enfreint. Je déconne, mec. Bah, bien sûr, t'es une bonne queue. Ouais. Il a enfreint une loi qui ensuite a été abrogée. Non. Mais ça me paraît. Difficile d'être condamné à vie pour une loi. Et après, ils ont dit non, mais on l'enlève. Le meurtre est légal désormais. Ah. Pardon, mais c'était une faille. C'est aux États-Unis. Il a été déclaré mort. Il a été déclaré mort et il est. C'est exactement ça. C'est génial. C'est-à-dire qu'il est. Bien tenté. Il a tenté le quitte ou double, tout simplement. Il l'a fait délibérément. Alors ça, je ne sais pas. Attends. C'est son avocat. Non, en fait, il a développé des caillots causant une septicémie, pardon. Et son cœur s'est arrêté. Donc en fait, il s'est arrêté et il a fallu 6 tentatives des médecins pour le ranimer. Donc il était cliniquement mort. Et quand il s'est réveillé, il a dit bah, techniquement, je suis mort. Donc il a bien fait le gars. Peut-être je peux sortir de prison. Et on lui a dit bah, non. Hein, t'as vraiment assassiné quelqu'un de tes mains. Un peu dur. Donc voilà, c'est terminé. Nous allons passer à un autre petit jeu. D'abord une petite pause avec Michel Sardou. Un chiffon sur la tête. Non bah là c'est n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Bah, tu sais des fois il a un petit peu il perd la boule complètement là. On nous prend pour des cons. Bah oui mais à dire des trucs pareils on finit par te prendre pour un con quoi. C'est une connerie. Je suis d'accord. Constance. Oui. Tu es comédienne de théâtre. Oui. Entre autres. Oui. On peut te voir en ce moment dans la pièce Le Zarc des Illusionnistes d'Alexis Michalik. Tout à fait. À Paris, Théâtre de l'Œuvre, c'est ça? Exact. Tu es bien renseigné celui-ci. Donc. C'est un petit peu, un tout petit peu préparé. Eh bien, pour rendre hommage au théâtre et à ce que ça englobe, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner des titres et des résumés de théâtre de boulevard. À vous de me dire si ce sont des vrais titres et résumés ou si je les ai purement inventés. J' ai une question, peut-être que vous saurez. Il n'y a pas deux expressions, théâtre de boulevard et théâtre de boulevard? Non. Quoi? Il y avait le petit théâtre de Bouvard qui était une émission présentée par, ouais, Philippe Bouvard. Qui, je pense, okay, était un jeu de mots qui surfait. Ah, ok. Voilà. Je pense, mais... en fait, c'est ça. Je pense que Philippe Bouvard. Tu viens de te ridiculiser, Axel. Non, mais genre. Il y a c'est pas... pour ça qu'on aime Axel, c'est parce qu'il pose des questions. Par contre, il y a peut-être un Philippe Bouvard. J'adore, j'adore le savoir et quand je l'ai pas, je l'ai pas possédé. Il y a le Bouvard Philippe, en tout cas. Qui est, Le savoir est une arme, bébé, ne l'oublie jamais. Bien sûr. Le savoir est une arme, je suis calibré. Je peux pas tirer. Mon petit loup, mon petit loup. Si je vous dis... Entre dans le cercle des illusionnistes avec Fianso. L'abus d'amant est mauvais pour la santé. C'est oui pour moi. Je vous dis le titre, je vous donne le résumé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pardon? Ah, tu n'as rien écouté. Oui. Si c'est des vrais titres. Des vrais titres et des vrais résumés de théâtre de boulevard. En fait, t'étais sur ta question de théâtre de boulevard. En gros, je donne des titres et des résumés de théâtre de boulevard. À vous de me dire si c'est des vrais titres, okay, ou des vraies pièces ou pas du tout. Okay. Donc, l'abus d'amant est mauvais pour la santé. Ariel veut changer sa vie et sortir de la routine. Elle décide de chercher un amant sur un site de rencontre sans éveiller les soupçons de son mari Ludo. Elle pense avoir ferré le bon poisson en la personne de Léo, avec qui elle part à la montagne. Moment privilégié ? Peut-être pas, car Ludo, son mari, a prévu lui aussi de faire du ski. Et suite à un problème de surbooking, les trois lascars vont devoir vivre dans la même bâtisse. C'est faux. C'est oui, vrai. C'est faux. C'est vrai. Alors, c'est faux ici. Pour deux raisons. Oui, je vous écoute. Alors, j'ai une boîte à son, je me perds. Vas-y, je pense qu'on a la même, une des raisons, on la partage, je pense. Il mettrait pas Ludo et il le mettrait pas pile à cet endroit-là de la phrase. Et Lascar, ils auraient dit loustique. Non, ah, alors moi, pas. Alors... Non, excuse-moi, moi, vas-y, Adrien. Non, mais moi, c'est que ça me rappelle le scénario d'un épisode d'une série voilà, que je connais, le surbooking, les gens qui doivent partager la chambre. C'est vrai, hein, c'est, oh, vrai. C'est proche. C'est vrai. Et pourtant, ça existe. Oh ouais, ça existe. Donc, Constance a le point, évidemment. L'abus. Joli. Mais oui, c'est facile. Elle est dans le théâtre. Donc elle connaît tous les gars. Elle connaît tout. Après, j'ai pas écouté le résumé. En le mode d'emploi de la belle-mère. Moi, j'aurais dit belle-mère, mode d'emploi. Bah justement, là, c'est le mode d'emploi de la belle-mère. Bah oui, bah oui. Trouver l'amour n'est pas une mince affaire. Mais alors, si on rajoute la belle-mère, c'est carrément la guerre. C'est ce qu'apprendra à ses dépens Fred, fraîchement fiancé à Laura, qui s'est préparé à tout, pardon, sauf à cette femme hystérique et possessive et qui raffole autant du champagne que des petits jeunes. Effectivement, si Flo avait dû l'écrire, il aurait dit belle-mère mode d'emploi. Du coup, je pense que c'est quelqu'un de médiocre qui l'a fait. Moi, ouais, mais après, que... il est bon. Hein, moi, il peut... je pense que le résumé est trop bien écrit pour que ça soit vrai. Moi, je pense que c'est faux. Mais il y a des belles phrases. Ouais, je vais dire que c'est moi, vrai, c'est... moi. Attends, mais j'ai dit quoi? J'ai dit faux. Toi, t'as dit que c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai dit que c'est vrai. Voilà. Moi, je dis que c'est vrai, okay, moi aussi. C'est vrai, tout le monde est vrai. Non, moi, je dis faux. Faux. C'est encore Constance qui a raison. C'est faux. C'est moi qui l'ai purement inventé. Bravo. Mais c'est une pièce qui est à la Serpillière d'Or à Avignon. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Tu brouilles les pistes, quoi. Oh, bah, j'essaye de rendre le jeu un petit peu. Il est bon. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je vais dire l'inverse de ce que je pense la prochaine fois. Moi, je vais dire comme Constance. J'ai fait disparaître ma femme. C'est un spectacle de magie. À force de vouloir faire voler son assistante au-dessus d'une tronçonneuse, elle a fini par se barrer. Ce qui est très ennuyeux, vu que son assistante, c'est aussi sa femme. C'est faux. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, moi je veux dire que c'est vrai. Moi je dis que c'est faux. Parce qu'il n'y aurait pas, c'est un spectacle de magie. Tout change, car cette fois-ci c'est Constance qui a faux. Ah. Et c'est Adrien et Axel qui ont raison. Bravo les gars. Ça existe. Mais c'est vrai que ça m'avait pas abusé. Mais tonton a fait que tu... Tonton du bled, bien sûr. Ma belle-mère est givrée. Caroline, Bernard, Isabelle et Denis s'apprêtent à passer d'excellentes vacances à la montagne. Ah, Caroline, virgule Bernard. Oui, pas Caroline, Bernard. D'accord. Caroline, Bernard et Julie. Non, Caroline, Bernard, Isabelle et Denis s'apprêtent à passer d'excellentes vacances à la montagne. Mais à l'arrivée, imprévue de la belle-mère de Bernard, tout va devenir un joyeux désordre rempli de quiproquos auxquels vont être mêlés un patron quelque peu coincé, sa tornade de maîtresse et sa femme, un tantinet autoritaire. C'est faux. C'est vrai. Il y a une phrase qui... où il manque un mot, je crois que c'est... je pense que c'est toi qui l'as écrit, t'as oublié de te relire. Non, mais c'est... non, c'est faux, c'est encore des trop belles phrases. C'est deux faux, un vrai. Adrien mène la danse, excusez-moi, c'était vrai. C'était vrai, ça existe. C'est ficelé nickel à tous les persos, là. Ça se voit que c'est... ah, non pas que tu puisses pas le non, mais je le prends pas mal, hein, tout va bien. Hein. C'est du classique. Hein. Garagiste, arrête ton char. Sur le chemin des vacances, on fait souvent des rencontres inopinées. Surtout si on est un garagiste en bord de national, point d'exclamation. Dans un seul en scène hilarant, Pierre Froment se met dans la peau de divers voyageurs, la mère célibataire, la racaille de cité, le bourgeois pas si bohème, ou même le président de la République. Comme le pneu de votre voiture, préparez-vous à crever de rire. C'est faux, mais je trouve que, à mon avis même, tu t'es vraiment amusé à écrire ça. Ouais, pareil, je veux dire pareil. C'est vrai. T'aurais pas précisé qu'il y avait un point d'exclamation si c'est toi ce que je me suis dit non, aussi. Et moi je pense que ça, c'est... il a fait exprès pour nous induire en erreur. Si c'est le cas, il est très fort, mais je maintiens ma réponse. Mais il est fort. Il est fort. Bah, je suis un peu fort. Non. Oui, c'est faux. Oh là là. C'est faux. Garagiste, arrête ton char, n'est pas. Voilà. Génial. Mais, bravo, parce que je le président de la République. Moi, c'est le président de la République. Je fais allez. Oh. Ma voisine ne suce pas que de la glace. C'est vrai. Grégory, célibataire pour une semaine, pensait passer une soirée tranquille à jouer au poker avec ses potes. Malheureusement, Laurent, son meilleur ami, tombe sur la nouvelle voisine de Grégory. Il sait qu'il l'a déjà vue quelque part, mais où ? Ah oui, dans un film X. Si, alors, si c'est vrai et qu'ils ont réussi à faire une pièce entière là-dessus, déjà, ça doit être d'une finesse phénoménale, je pense. Phénoménal. Freestyle du visage pâle. Du visage pâle, bien sûr. Et de toi, Arc-Pou. j'ai envie de vivre dans un monde où c'est vrai, donc c'est vrai. Alors, Constance, tu as dit vrai très vite. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? C'est vrai. Tu as vu l'affiche ? C'est vrai ? Tu joues dedans ? En fait, elle joue. Oui, c'est ça. En fait, sous je pseudo, joue elle joue. Non, tu l'actrice. Joues dedans ou pas ? Je joue la glace. Et là, ça existe, effectivement. Non, non, mais oh là j'ai, là. Et j'ai vraiment vu l'affiche. Ah, tu l'as vu passer. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as vu passer. Et donc vraiment, c'est mais c'est devenu dans nous autres théâtreux la blague, la ah blague ouais. De ma voisine ne suce pas que de la glace. Parce qu'elle suce des queues, hein. Enfin, c'est ça le. Non, non. Ah oui. Bah, c'était le titre entier à la base. D'accord. Je crois que c'était des. Non. Des sucres d'orge, des tout ce qui peut. Ah non, c'est quoi. Vraiment des bonnes bites. Ouais, ouais, des ouais, d'excellentes bites. Bah, c'était pas précisé donc. La pièce répond à cette question. Attends, on peut sucer la bite ? Bah, enfin, pas non, toi non, direct, non, mais il y a non, des non, gens non. qui peuvent. Mais c'est une image, Adrien. Non, mais compte, bah, littéralement. Compte 50 balles. On suce pas. C'est pénétration vaginale, et voilà, normalement, non. C'est vaginal de quoi ? Ouais, carrément. En fait, tu peux mettre ton sexe dans un vagin. Je suis hyper gêné, moi, je pensais. Je suis hyper gêné. Non. On peut, ça peut être sucé. Bon, allez. C'est, bon, faut pas prendre les enfants. Non, hors de question. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des connasses sauvages. Aïe. Marie. C'est vrai. Marie, ancienne secrétaire à la retraite, un brin déluré, s'ennuie fermement dans sa maison à la campagne. Après avoir croisé un curé sexy qui a fait vœu de chasteté, Marie décide de faire le ménage dans l'église de sa ville et de faire croquer la pomme à tous ses religieux. Après tout, le petit Jésus aussi était en slip. C'est extrêmement vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Vrai parce que je me dis c'est pas possible. C'est faux. Oh là là. Mais je me fais avoir deux fois. T'as fait ton petit truc. Il a ri, au mot. Il a précisé connasse et je me fais avoir deux fois. Ouais, je fais des petits tricks. Bah, je suis un peu comédien. Ouais, c'est quand t'as ri au truc comme si ça te surprenait. Et oui, et non. Non, mais il est hyper fort, vous voyez pas. Vous êtes trop gentil. Bah, nous, on voit. Hein. Moi, je parle aux auditeurs. Hein. Ouais. Axel, il m'a engagé, donc je pense qu'il le voit un peu. Bah, franchement, ouais. Enfin, je t'ai engagé une fois et. Bah, si j'avais eu à te réengager, je l'aurais fait. Donc, ouais. Enfin, franchement. Oui, c'est vrai. Si, ouais, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Si j'avais eu plusieurs saisons, je veux dire. Tu parles de Groom. Ah. Oui, oui. Non, ah, mais tu parles de Groom. S'il y avait eu plusieurs saisons. S'il y avait eu plusieurs saisons, il y en a qu'une. Et le dernier, un cocu presque parfait. Thierry, comédien anonyme, expert en déprime, est un petit cadre au chômage qui rêve de devenir célèbre. Fredo Biker, loser expert en scooter, est un célibataire endurci qui rêve de voyage et d'évasion. Et c'est là que la vie entre en scène. Thierry a une fuite d'eau, Fredo se retrouve plombier stagiaire. Cela a été fait pour se rencontrer. Dommage. C'est vrai. J'ai envie de croire que c'est toi qui trouves du temps pour écrire ces trucs Je dirais que c'est toi. Ouais, je dirais que c'est toi. Ah, son petit sourire, c'est lui. Mais non, c'est Adrien qui a raison, ça existe, ça existe. Fredo Biker, on a pas une idée aussi géniale. Fredo Biker, c'est trop bien. Mais c'était, ouais, c'était, c'est bien c'est marketé. Tellement quoi. Parfait. C'est très bien, Fredo Biker. Voilà, vous, écoutez, je crois que c'est une égalité, je crois. J'ai pas trop bien compris. Je crois que c'est égalité. Hein. On s'en fout, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu mon tour. C'est certain. Je pense que j'ai gagné. Les amis, j'ai dit sur un tweet. Oui, est-ce que je voudrais faire une parenthèse en fait. Une parenthèse inattendue ou attendue Une parenthèse attendue pour moi. Ok, attendue, ok, d'accord. C'est juste que... Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui m'a. Un gun. Quelqu'un, c'est inattendu pour moi. Quelqu'un sur Insta m'a envoyé un message parce qu'on a dit qu'on avait fait un podcast et qui a dit sache que la flûte à coulisses nous manque. Je voudrais préciser que la flûte à coulisses, je l'ai malheureusement jetée dans le public. Oui. Au Bataclan. Donc je ne l'ai plus. Et quelqu'un est parti avec et personne nous l'a dit. Personne nous a envoyé un message. On m'a dit le mec était trop content de la récupérer. Okay. Mais voilà. En revanche, il y a des magasins de musique à Paris et du coup. Voilà. Je suis très heureux qu'elle soit de retour. Les gens nous l'ont réclamé. Elle a une autre couleur et j'étais très content. Je l'ai pas vue avant que tu la sortes. Très belle. Mais te sachant féru d'achat d'objets, j'étais sûr qu'il y en avait une. Adrien. Je viens de finir la saison 1 de Groom. Bah tiens, comme par hasard, ouais. Aurais-tu envie d'écrire d'autres séries à laquelle tu serais initiateur ? Est-ce que tu as des idées dans les tiroirs ? J'ai des idées qui après se font avec des plus de moyens et des acteurs que j'admire. Comme la série Apple, enfin c'est pas vraiment ça. Non, mais... En fait j'avais un projet de série dont j'avais parlé à Axel, donc il est témoin, qui se passait dans un morning show. et là, il y a Apple qui le sort avec Steve Carell. Donc c'est pas le même parce que les morning shows en France et aux États-Unis c'est pas exactement le même standing quoi. Aux États-Unis c'est quand même un peu. Oui, toi c'était la version William Lemergy. Ouais voilà, bah, qui est la seule qui existe en France quoi. Ouais donc, c'est ça. Truc un peu nul. Et prends ça William Lemergy. Bon, il a étranglé une femme donc. Oui, qui se calme. non ouais j'en ai des idées. Ce qui me manque c'est le engagement quoi. il est dur, il est caustique. Non mais le talent pour se lancer quoi. C'est aussi la détermination. Ouais le moteur, le désir. Franchis le pas. La flamme. Ouais c'est ça. Suffit de le faire en fait. Après c'est fait hein. Ouais. On est vraiment dans un podcast basique de motivation. Genre il faut le faire. Franchement. Si t'y crois, bah déjà c'est bon en fait, ouais. Tout va bien. T'as fait la moitié du chemin si t'y crois. Constance, oui. On reçoit rarement effectivement des gens qui font également du théâtre ici. Est-ce que tu as des méthodes, parce qu'on a l'impression pour les gens en tout cas qu'il y a beaucoup de textes à retenir et que c'est quasiment insurmontable. Ouais. Quelles sont les méthodes de comédien pour avoir tout bien en tête au mot près? Il n'y a pas de méthode, il faut être absolument génial. Wow. Non. Non, en vrai, il n'y a aucune méthode. Après, comme tout à chacun sait, je pense, la mémoire, en fait, c'est un muscle. Donc, plus on apprend, plus on retient facilement. Donc, en tant que comédien, plus tu apprends du texte. Et en fait, dans la rue, si tu apprends des trucs, si on nous dit au début à l'école que si tu apprends un truc par jour, ça va de plus en plus vite. Et en fait, c'est vrai, vraiment. Ouais. Et donc voilà, au mot près, non, la règle qui est vraie aussi, c'est qu'il faut l'apprendre 7 fois. C'est le chiffre 7 ? Ouais. C'est drôle. C'est-à-dire, si tu apprends par cœur 7 fois quelque chose, tu le retiendras toute ta vie. Donc une pièce de théâtre, comme moi qui joue un peu en dilettante et qui reprend longtemps après avoir joué, je la retiens toujours si je l'ai apprise 7 fois. Genre, tu peux rejouer là, maintenant, un truc que tu as joué il y a 10 ans ? Ouais. Fais-le, vas-y. Est-ce qu'on peut suis bien chez Antoine Grenier. Oui, bien sûr, c'est du chien. Voilà, c'était la première phrase. Ah, c'est quoi, on voulait qu'on continue toute la vie. Mais genre n'importe où dans la pièce ou t'es obligé quand même de commencer par le début et sinon c'est une galère. Tu veux dire là si je refaisais un truc que j'avais pas joué. Ouais, si ça fait. Mais même là, je sais pas, tu joues quasi. Enfin, tu joues beaucoup de soirs. Est-ce que tu peux reprendre un peu la pièce d'où tu veux ? Ah ouais, là, c'est d'où je veux, ouais. Ok, du milieu maintenant, vas-y. La phrase du milieu. C'est un losier 1849 à double mécanisme de sécurité. Apporte-moi la caisse à outils qui est derrière toi et prépare ton chronomètre. Ah, chronomètre, wow. Tu te disques aussi ? Est-ce que, ça, si par exemple, t'avais fait un tournage récemment, tu pourrais nous sortir comme ça un bout de phrase une réplique au hasard. Je pense pas, justement. Ah, cool. Parce qu'elle l'a pas appris. Elle l'a pas joué cette fois. Ouais. Bah non, parce que justement, c'est la différence entre le tournage et le théâtre. Okay. C'est que le tournage, tu l'apprends pour la, le jour même et en fait après tu le refais pas. C'est la répétition qui fait que ça reste dans la tête. Après une phrase, t'aurais quand même pu essayer de trouver. Après je peux faire une phrase, mais j'aurais là franchement j'ai trop peur. Une question pour tous les quatre. Est-ce qu'on a ce déjà. Je veux dire que j'ai pas de questions personnelles. Hein. Si, si, si, si. tu en as, Axel. Non, la question... J'ai cru que c'était ta manière de faire genre. Non, tu sais, je suis beaucoup plus maladroit que ça. non, une question pour tous les quatre, c'est est-ce qu'on a déjà été tenté d'écrire pour autre chose que du visuel, à savoir peut-être un roman ou même des paroles de chansons. Un jeu vidéo, un jour j'aimerais bien, mais je dois comprendre comment on fait. Pour l'instant, je comprends pas. Ouais. T'es pas obligé de programmer, hein, tu peux. Non. Non, mais la narration, du coup, c'est très différent. Pour l'instant, je sais pas comment on fait. Donc, mais ce serait un truc genre. Un truc où le héros décide et c'est un embranchement. Alors, un truc qui peut t'intéresser, il y a un logiciel qui s'appelle Twine. Et c'est pour faire des. Il y a débat, est-ce que c'est un jeu vidéo et tout. Mais en gros, c'est pour faire des histoires. Truc dont vous êtes le héros en fait. D'accord. Bah, t'écris le truc et après il dit tu fais ça et tu peux là où c'est un peu plus élaboré, c'est que tu peux dire par exemple est-ce que vous prenez les clés à tel endroit, oui, et après du coup tu peux avoir une variable qui dit que t'as les clés sur toi et du coup ça change ça peut t'intéresser éventuellement par exemple Bandersnatch là le truc de Black Mirror, ils l'ont écrit sur Twine en fait, parce que c'est un truc dont vous êtes le héros, et donc le scénario ils l'ont écrit sur Twine parce que c'est un truc à choix multiples et tout. Bah longtemps en fait je me suis dit il faudrait trop faire un truc à choix multiples pour genre sur YouTube avec des à la fin de la vidéo tu cliques. Mais je trouve qu'en fait à l'époque de Golden Moustache on en parlait tout le temps. Mais je trouve que Bandersnatch c'est un peu la preuve que c'est forcément déceptif quoi, parce que si tu te dis je vais avoir toutes les possibilités, de voir à quel point c'est restreint et à quel point on te force à faire des choix en plus dans le leurre. Ouais. Jeux vidéo aussi, j'aimerais bien. Roman, j'aimerais, ouais, mais en fait tout. Enfin moi j'aime écrire, hein, donc après c'est vrai que je vois pas ce que je raconterais en roman. Ou j'aimerais bien aussi faire des bouquins plus généralement plus le genre de bouquins que font les humoristes, quoi. C'est-à-dire bouquins un peu blague. Ouais, du coup, j'aimerais bien faire genre un livre de développement personnel, par exemple, mais un peu genre sur le ton de la blague. Un dictionnaire de proverbes, tu veux dire. Non, par exemple, j'avais comme projet de faire un. Je peux le dire, hein. Un guide des prénoms où tu sais, il y a des sites comme ça où t'as un prénom, ils disent Alain et taciturne, machin, etc. Mais juste basé sur, rien, mais comme de toute façon les vrais guides de prénoms. Mais ça me faisait marrer de juste de, sur le prénom, essayer d'imaginer la personne et de rendre ça drôle. Et c'est drôle, nous on l'avait fait avec Vincent Tirel sur Golden Moustache. Tu sais, à l'époque, on faisait les articles, on avait fait quelques prénoms comme ça. Et c'est vrai que c'est assez marrant à écrire. Mais moi, ça me faisait. Moi, je voulais qu'il y ait vraiment 800 prénoms. Oui, bien sûr. Enfin, c'est vraiment un vrai bouquin, quoi. Mais c'est très. Mais justement, nous, on en avait fait 20, je crois. Et c'est très dur au bout d'un moment. Hein. Ouais, je me doute. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur plusieurs. De longue haleine. Pour avoir plein de nouvelles idées et machin. Mais en même temps, je me disais, c'est cool à écrire parce que tu peux écrire une page de temps en temps, un jour, t'en écris un, machin. La structure permet de faire ça un peu quand tu veux, quoi. Nous, très vite, on est tombé sur des prénoms qui n'existent pas, genre Véranda, enfin tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, mais il y avait Vincent Tirel. Vincent qui a passé aussi quelque chose dans un hôtel récemment. Pour un tournage. Mais après, voilà, c'est Black Mirror. Les coïncidences me paraissent totalement plausibles, quoi. Bon, après, il y a tellement d'hôtels. Ouais, il y a vachement de tournage aussi. Ouais, enfin surtout dans les hôtels. Il y a Eva Longoria, sa série et tout. Ouais, il y a plein de séries qui font ça, quoi. Non, j'ai l'impression que j'avais un autre truc. Parce que tu disais paroles de chansons, moi j'aimerais trop, alors pas faire un rap contender parce que je pense que j'aurais pas l'audace, mais écrire des trucs pour un rap contender, ça me ferait. C'est quoi Delirman ? Ça me plairait. Rap contender, c'est des. T'as demandé ce que c'était ? Oui. Okay. En gros, c'est des mecs qui. C'est la joute verbale en fait. En gros, les mecs. Tu l'as vu 8 Mile ou pas avec Eminem ? Non. Ok. Eminem, en gros, c'est deux mecs sur scène qui se clashent. En fait, chacun leur tour. Il faut m'écouter. Oui, okay. Là, ils se clashent. mais en fait, ils rappent pas. C'est plus de la déclamation, quoi. Nanananananananananan. T'as cru que tu venais ici avec tes euros. J'ai plutôt l'impression que t'es un zéro. voilà, c'est ça, mais en pas en un peu humble. Mais le ton était, c'est ça. Et, d'accord, et voilà. Ouais, et en fait, c'est l'équivalent des roasts pour le stand-up, mais pour le rap, quoi. Merci et pour cette explication excessivement. Mais comme ça ajoute le sens de la formulation, de la structure et tout, je trouve ça cool. Oui, la punchline, en fait. Ouais, ouais. C'est un peu comme les politicards, mais avec des sweats et capuches, quoi. Exactement. C'est un parfait pour bien résumer. Et Constance ? Ah oui, moi j'adorerais écrire des chansons. Quel style ? Des chansons d'amour. Dubstep, du dubstep. Des chansons peut-être. D'amour. Ah ouais. Non, des chansons genre. J'ai une amie qui chante par exemple et bon, elle veut pas que je lui en écrive, mais. non, mais des, non, mais des chansons à texte. Elle veut la média et elle veut pas du tout. Je comprends pas. Mais genre, en fait, j'aimerais bien écrire des chansons avec des gens qui. Une chanteuse ou un chanteur qui chante vraiment bien avec de la musique. Bon, déjà, jusque-là, on est bien. mais avec des blagues dedans, des chansons un peu drôles, mais en même temps jolies. Alain Souchon, un peu. Alain Souchon, il fait un peu ça. Ouais. Benabar. Ouais. Et pas un roman, un livre de des nouvelles. Mais je suis en train. Donc, oh, stylé. Ah. Parce que moi, j'ai voulu écrire, pareil, un peu une sorte de roman. Et en fait, c'est trop long tellement pour moi. Dur. Non, mais c'est long. En fait, tu bosses longtemps et tu dis, bah cool, j'ai 10 pages. C'est... enfin, moi, et puis j'aime trop les dialogues aussi. Peut-être t'es perfectionniste. Bah non, franchement pas tant. Je bâcle beaucoup ce que je fais. Non, en vrai je sais pas, mais en fait j'ai un truc avec les. Moi j'aime beaucoup faire parler les personnages. Ah bah ouais. Et le roman, bah souvent c'est vite mal écrit quand il y a beaucoup de dialogues. Donc moi je crois du théâtre. J'aimerais bien écrire du théâtre, je crois. Ah ouais, oui. Mais il y a tellement de gens et puis vous avez puis la concurrence est rude. Hein, le jeu nous l'a prouvé quand même. Mais en tout cas ouais, roman c'est dur. Et du coup moi je m'étais dit aussi peut-être recueil de nouvelles. C'était peut-être la façon un peu entre deux de. En fait, il y avait plein de. Même des... En vrai, les sketchs Golden Moustache à l'époque, je trouvais que c'était un peu des. Ça pouvait s'adapter en nouvelles. Alors, je voulais pas adapter les sketchs Golden Moustache en nouvelles, mais j'avais le truc mercantile de ouf. Mais non, j'avais des idées de sketchs qui se sont jamais faits parce que trop cher et tout. Et je m'étais dit, c'est con que ça existe pas. Et je m'étais dit, ah putain, peut-être dans un truc de nouvelles, ce serait cool, tu vois, quelque chose comme ça. Mais sinon, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un compte Instagram où chaque post, c'est juste. Bébé Yoda. Du texte. Mais tu sais, une phrase un peu quand même, dis donc, pas mal, hein. Tu veux dire des codes qui seraient reliés à des gens ? Ou plutôt de la nourriture un peu vénère. Pourquoi tu précises tellement de qui je parle ? Alors moi, je sais pas de quoi vous parlez. Non, mais il y a beaucoup de comptes Insta comme ça où en fait, chaque fois, c'est juste un fond uni. Wow. C'est rien, j'habite New York. Il hein, y a des sick des States qui font le déplacement. Alors là, j'ai une question un petit peu justement en développement personnel, mais je trouve intéressante. Ah, ça, j'aime bien. Par on moi, m'a dit que j'étais pas assez premier degré. Bah écoute, récemment, t'étais là. Quelle chose tu aurais aimé entendre lorsque tu t'es lancé dans ton métier ? À qui tu parles ? À tout le monde. À tout le monde. Là, c'est ouvert. À nous quatre, même. Genre un conseil, quelque chose de. Ah oui, c'est très. En fait, c'est un peu le conseil qu'on te donnerait à quelqu'un. Je pense que c'est une façon un petit peu détournée, effectivement, oui. C'est sûr, tu vas être une star. Ah ouais ? Non, je déconne. Soi, confiance en soi folle. Je déconne, absolument. TF1, ça paye. C'est dur. Attends, ouais, c'est très dur. Est-ce que non, mais parce prends, que. Je vous prends, mais attends, moi, vous m'avez induit en erreur parce que est-ce que c'est le conseil qu'on donnerait aujourd'hui à quelqu'un qui débute ou c'est vraiment la phrase qu'on aurait aimé nous. Bah en non, en la question c'est la phrase que t'aurais aimé entendre quand t'as commencé. Peut-être qu'on t'a dit même, je sais pas. En gros, peut-être un truc qu'on a découvert nous-mêmes et qu'on aurait bien voulu savoir depuis le début. Quoi. C'est ça. Moi, ce serait peut-être. Ne te compare pas à ce qui a été fait de comparable avant parce que tu seras forcément déçu quand tu vois les retours, etc. En fait, tu veux que ce soit culte comme ce que toi tu as vu en tant que spectateur, mais en tant que créateur, tu ne vois pas tu n'as pas les retours de ce que tu fais et tout. Donc, du coup, tu es fait perpétuellement déçu. Ouais. Ce qui est dommage. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, c'est un peu proche de ça, mais c'est du coup, tu m'y as fait penser. J'espère que je dis pas exactement la même chose que ce que tu viens de dire, mais pour moi, c'est. Comment dire, mets plus ton énergie à t'adapter à ce que tu n'avais pas prévu plutôt qu'à vouloir faire plier tout dans le sens de ce que tu as prévu. Je sais pas si c'est clair, si, complètement. Mais en gros, le truc c'est que quand tu as vouloir tout contrôler, tu vas arriver. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à un résultat. Mauvais, à moins de maltraiter les gens, en fait. et en fait, se nourrir des imprévus pour rebondir et adapter l'idée que t'avais, c'est généralement une meilleure idée, en fait, quoi. Fais des contraintes une force. Ouais, mais un peu, et puis des imprévus en fait, quoi. Et puis des gens avec qui tu bosses, et de ne pas rester bloqué sur l'idée que tu avais au départ. Si tu commences à entrevoir qu'elle n'est pas réalisable, adapte-la, fais avec ce que tu as en main, et fais-en quelque chose de, qui sera sans doute de toute façon mieux que l'idée que tu avais au départ, quoi. Moi, j'aurais. Faut toujours prendre. Faut pas se fermer à des expériences nouvelles, à des trucs que potentiellement tu te dirais, c'est pas spécialement pour moi. Bah, c'est bien de le tester parce qu'en fait, je parle évidemment dans le milieu artistique, hein, je dis pas ça pour tous les trucs de la vie, mais. Mets des podcasts aussi. Hein ? Mets des podcasts. Et mets des podcasts, parce que c'est le. Voilà. Mais si tu testes des trucs et que ça te plaît pas, tu peux toujours partir en fait. Donc, mais vaut mieux essayer, rencontrer les gens, même si tu dis, mais j'ai rien à voir avec ce truc là, bah faut s'ouvrir et tout. T'es en train de quitter ta meuf en direct. Dis-lui directement, en fait, c'est vraiment bizarre. Voilà. Ah mais non, c'est pas un conseil pour moi, c'est un conseil pour les autres, donc c'est rien. Bah vas-y, dis-lui. Laisse parler les gens. Déjà. Non, mais c'est plus pas lire les commentaires ou les avis, parce qu'en fait, ça vient que te. Enfin, si tu donnes aux gens que ce qu'ils veulent voir, tu finis par arrêter de faire ce qui te plaît et tu ne c'est fais ça. Plus ce qui leur plaît. Après, encore faut-il avoir déjà. Là, c'est quelqu'un qui travaille déjà. Oui, c'est pas au tout début. Non. Après, il n'y avait pas de consigne aussi précise, mais... Constance. Non, non, mais tu vois. Ah, ça disait quand tu as débuté. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que j'ai mis longtemps à comprendre, mais vraiment, j'aurais aimé qu'on me le dise, soit à l'initiative de tout. Genre, Nathan, en plus, moi, j'ai débuté comédienne, et vraiment, j'aurais aimé qu'on me dise tout de suite, écris, crée tes projets, Nathan, rien. Ouais. Regroupe-toi, fais des familles. J'ai mis vachement de temps. Après, c'était cool, ça m'a apporté des trucs de le comprendre toute seule. Mais putain, j'aurais gagné, à mon avis, pas mal de temps si j'avais compris que, tu vois, de s'associer avec des gens, ce que vous, en fait, vous avez assez vite compris. Mais enfin, je sais pas si on l'a compris, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et c'est une énorme force. Donc, parce que c'est quand même un métier. En fait, j'aurais, je pense même qu'on. Aimer qu'on me dise, tu vas être vraiment seul à crever. Bah, c'est donc, associe-toi avec des gens qui te plaisent artistiquement et tout, et crée des choses. Ouais. Je pense que c'est un truc. Enfin, pardon, je t'ai. Bah, non, vas-y. Non, mais je disais, c'est oui pour les. Pour les comédiens et les comédiennes. Ouais. Moi, je vois la grande majorité des trucs dans lesquels j'ai joué, c'est des trucs dont j'étais là au départ, quoi. J'étais là à l'écriture, j'étais là. Et voilà, mais en fait, j'ai quand même tourné dans pas mal de trucs. Je pense qu'il y a des gens qui seraient contents d'avoir tourné dans autant de trucs que moi. C'est pour dire que j'ai pas fait une grande carrière, mais quand même, c'était des trucs où il a fallu être au départ. Donc ça rejoint ce que tu dis. Mais c'est même tout à fait juste. Ça rejoint même. Moi, c'est souvent que des gens. Et je comprends, parce que moi, je pense que j'aurais été capable de le faire aussi. Moi, elle m'envoie parfois des scénarios en me demandant des avis ou des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, j'aurais plutôt conseil à dire, mais trouve des gens autour de toi et tourne-les ces scénarios-là avant de te dire, bah celui-là, ce scénario, il est trop cher, donc je pourrais pas le faire maintenant. Donc du coup, je l'envoie à des gens qui peut-être seraient... Moi, je fais mes trucs, donc déjà, je lis pas trop les scénarios de ce qu'on m'envoie. Et ce sera forcément mieux si, par exemple, moi, je parle pour les auteurs, si tu écris ton histoire et que tu trouves des gens autour de toi, et que même si c'est nul, bon bah voilà, tu sais comment faire pour que ce soit nul, bah maintenant peut-être tu le feras et que ce sera moins nul la prochaine fois. Parce que si tu montres un produit fini, les gens ils auront un avis dessus, ils vont aimer ou ils vont pas aimer. Si tu montres par exemple juste un scénario, les gens vont faire déjà une interprétation de ce que ça pourrait être, et ça va déjà s'éloigner de ce que t'as en tête. Et du coup, des fois t'as une idée très précise de ce que tu veux faire, et tu l'expliques à quelqu'un, et le mec te dit je vois pas du tout en quoi ça. Ce que ça peut donner, en fait, tu le fais, et c'est une fois que tu l'as fait qu'on dit ah putain, c'est trop bien, mais c'est parce que personne n'est dans ta tête, personne n'a ta vision en fait, quoi. Donc, et il y a des trucs chambés qui ne peuvent convaincre qu'en étant montré fait. Ouais. Ouais. Et il y a les nombres de trucs qui ont été refusés parce que, si tu le vois pas, c'est mille fois plus puissant de montrer un truc. On a fait ça, ok, on prend. Oui, et puis en plus, il y a un truc où là, si tu. D'envoyer qu'un scénario, alors que peut-être souvent en plus les gens maintenant j'allais dire à cause ou grâce, ça dépend où on se place, mais internet a un peu vendu un truc de artiste complet, quoi. Les gens jouent, écrivent, réalisent, montent, font tout eux-mêmes, certaines personnes très, très fortes arrivent à tout combiner. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ce qui est trop bien, c'est que si vous le faites au début, vous avez un peu tous les métiers, peut-être vous allez voir le métier dans lequel vous êtes le plus fort et surtout le métier dans lequel vous vous amusez le plus. Ouais. Moi, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte, par exemple, que j'aimais pas trop jouer. C'est un truc qui me saoule de jouer, en vrai. C'est, ouais. Ça prend, dans mon cerveau n'est pas fait pour jouer la comédie de temps en temps, des petits trucs où c'est vraiment taillé pour moi et je vais même m'amuser dedans. Mais le concept de investir un rôle par exemple me saoule, c'est pas que je joue que dans des trucs où en fait c'est juste moi avec 2 degrés de séparation quoi. Et une moustache exactement. mais donc voilà, donc l'avantage de tout faire un peu soi-même, c'est aussi peut-être de voir où est-ce qu'on se sent le mieux, où est-ce qu'on s'amuse le plus aussi quoi. Voilà. Ce qui rejoint le truc que tu disais de s'ouvrir à plein de trucs parce exactement que c'est ouais. Tu vois où t'es à l'aise exactement. J'ai une question qui dit: Axel, on te voit de temps à autre à l'écran et je t'y trouve vraiment hilarant, serais-tu tenté par des rôles plus conséquents? Merci Vincent Tirel, mais non je... C'est vrai que Vincent fait ça avec tout le monde, il dit mais joue et vraiment on dit mais tu joues mieux que nous, fais-le à notre place. Oui, parce qu'à côté de ça il dit je devrais pas jouer, je suis nul. non t'es très bon, on joue à notre place. Non, la dernière fois que je l'ai fait c'était je pense il y a 4 ans, donc c'était le fantôme de merde de temps en temps. C'était les dissociés. Ah oui, c'est vrai, t'es dans les dissociés, c'est vrai. Et non, mais ça t'amuse pas? Enfin, si, mais je me trouve nul, enfin je me déteste, je sens que je me comporte différemment en fonction de la caméra et en vrai ce qui est une grande partie du oui du métier non, mais, de comédien. Non, mais oui. On me dit que c'est bien, mais je suis pas content, donc oui. Ça sent que t'as quand même la meilleure réplique pour moi du fantôme de merde. Oui. Qui est je vois que monsieur est un gros porc. Oui. Qui reste vraiment oui, mais qui est une bonne réplique parce qu'il la sort bien et qu'il la sort extrêmement bien. Axel, l'expérience du Zapping Amazing 2 t'a-t-elle beaucoup formé? C'était intéressant. J'étais en fait, j'ai suivi la tournée avec les. Et t'as fait toutes les dates. Les huit personnes qui montaient sur scène et je faisais les retours artistiques. J'étais dans la salle et je notais tout ce qui pouvait être amélioré, tout ce qui devait être renforcé, etc. Tu faisais le DA un peu quoi. C'était pas mon poste. Il y avait. Non mais c'était. Oui. Mais je faisais ce que je pouvais pour aider le spectacle et je faisais ce que je pouvais pour faire passer le passage de Jérôme de 15 minutes à 7 minutes et ça n'a jamais marché. On a réussi mais pas suffisamment. Les amis, donc ouais, les recommandations culturelles, j'ai envie de commencer par toi. Moi c'est un bouquin. Ok. Et je l'avais dit, putain. Bah ouais, mais bon, j'ai un ça va la liseuse pièce ou une pièce ou un bouquin, mais c'est Philippe Janeda en plus. Bah ouais, bah voilà ça. Bah ouais, mais tu peux nous en parler. Bah ouais, justement, et c'est un auteur contemporain français qui est vivant, que je rêve de rencontrer et qui a sorti Les Brutes là, qui a un tout petit bouquin hyper drôle, et c'est un auteur qui est très très drôle et qui est surtout le spécialiste de la digression. Dans ce ah donc voilà pourquoi et tu voilà disais... pourquoi je disais la boucle est bouclée. Ah. Et mais je vous conseille, je vous recommande vivement son meilleur qui est Le Chameau Sauvage, que j'aimerais qu'Adrien lise, et c'est pour ça aussi que j'en reparle. Je lis pas de bouquins, je me marre à haute voix quand je le lis et vraiment il est chambé. D'accord, donc tu conseilles presque 2 bouquins coucou, de Philippe ouais, Janeda, mais surtout Le Chameau Sauvage. D'accord. Adrien Méniel. Fais Axel. Je suis en train de vérifier si j'ai pas autre chose que ce que je. Non, mais si, tu peux proposer cette série Netflix. Alors, bah, y a la série Grégory qui vient de sortir sur Netflix. C'est sur l'affaire du petit Grégory qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah, c'est pas Grégory Guillotin. C'est... Non. Et ce n'est pas Grégory le Marshal. Non. Plus. Parce qu'il y a un téléfilm qui va sortir sur Grégory le Marshal. Ah ouais. Où un mec va jouer oui. Grégory le Marshal. Non, je jure, c'est vrai. Là, pour le coup, on sait la cause de la mort, donc c'est moins. C'est moins. Bah, moins de mystère là. La chute est moins surprenante. Et j'ai suivi depuis longtemps l'affaire, mais j'étais convaincu, mais pas. J'imagine, pardon, avec un impair et une loupe. j'étais à peu près convaincu de qui pouvait être l'auteur du truc et tout. Dès le premier épisode, j'en ai la certitude. Donc là, voilà, j'en dis pas plus. Tu le diras pas ici, parce qu'on est écouté, mais. Mais ils disent pas. Ils disent pas, mais y a des choses que je connaissais pas, qui avaient pas été évoquées et tout. Là, c'est implacable, quoi. Des choses que la police a toujours pas élucidées, mais que Axel Malivernet. Ah. Axel sait, c'est bon. Axel est au courant, exactement. Non, mais on ne nous dit pas tout. Voilà. Mais sauf publiquement sur Netflix. Là, il le dit. Des trucs très secrets, hein, mais il faut aller sur Netflix pour les. Et vraiment, en fil rouge, il y a le photographe de Paris Match de l'époque, qui a maintenant 80 ans et tout, qui est horrible. C'est vraiment. Le mec, il raconte tous les trucs qu'il faisait, qui étaient vraiment odieux, quoi. Enfin, la manière dont il manipulait les parents pour obtenir des photos de la chambre du gosse et tout. Et il rigole. Il est fier et il est content. Il est fier et content. Je vais l'attraper, tu vois. Mais je trouve qu'en France, on a des vraies grandes histoires comme ça de trucs horribles. O.J. Simpson. Non mais on a nos équivalents. On pourrait faire des séries comme American Crime Story. Ouais. Avec la France crime. En fait. On pourrait histoire faire. De crime française. C'est pas les mêmes producteurs quoi. C'est ça parce que j'ai rematé, oui, avec des blagues moi, avec des blagues de sperme autour, ça va être parfait. Pourquoi pas. Mais, si l'histoire s'y prête. non mais moi j'ai rematé un documentaire sur Human Bomb. Et c'est une de mes histoires préférées parce que c'est avec Sarko. Sarko, c'est Sarkozy qui négocie les otages. Donnez-moi le petit noir. Je vous échange deux enfants contre une télé. Ça, il l'a vraiment fait. Et quand tu remates le documentaire, t'as vraiment le patron de. Pas des GIGN, mais enfin de la. Le RAID qui dit. Il y a un négociateur qui fait j'avais le mégaphone. Et Nicolas Sarkozy, qui était le maire de Neuilly, puisque la prise d'otages était à Neuilly. Le mec dit il m'a pris le mégaphone. Genre vraiment, il a pris le mégaphone des mains. Il fait bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je t'échange la télé contre deux enfants. Tu n'auras pas de télé si j'ai pas les deux enfants. Une Toshiba. Mais il était pressenti pour présenter le juste prix à l'époque. Je voulais dire là où c'est la plus, fortune. C'est plus, c'est moi. Ah non mais je peux dire Léon de Latte raconte. Moi je m'endors avec ces trucs là. Effectivement dans les histoires françaises, il y a une cinquantaine de trucs qui sont. Oh. Et alors mon chéri, tu veux que je te fasse passer du bon temps? Bonne mère, je n'ai jamais joui. Tu m'entends? Je n'ai jamais joui. Ah, vous le caricaturez. Il s'échappa par une petite ruelle et alla frapper à la porte de son cousin. Oh, tu veux dormir à la maison, cousin? Ben viens. Ah, il y a deux pardieux dans mon tas. Gérard. Oh là là, les gars. Ah, bah, on t'emmerde. Je m'embête. Je fais le serment ici que si c'est suffisamment demandé sur les réseaux sociaux, on fait un floodcast spécial, on de la raconte, qu'on écrit avec Adrien. Et on le joue. Et on le joue pendant une heure, on de la raconte. Alors une heure. Ouais, on le joue, mais on impro, on s'en bat les couilles. Adrien. J'arrive. Non, c'est Omar ça. Tu cherches ta reco. Ouais. Omar, cherche ta reco. J'avais deux jeux vidéo et j'avais oublié le nom. Donc c'est deux jeux vidéo alors qui sont sur. Moi, Marocco, personne n'en aura rien à foutre. Hein. Mais tu rigoles, tu rigoles ou quoi? On propose jamais de livres dans cette émission et du coup les. Et pour cause, tout le monde s'en branle des livres. Ah ouais, c'est pour ça. Donc j'ai deux jeux vidéo. Il y en a un qui s'appelle A Short Hike. Alors c'est sur PC, peut-être Mac, mais moi j'y joue sur PC, via Shadow. Oh, tu... Shadow, si vous voulez me donner un abonnement. Tu m'as converti. Short Hike, c'est un jeu vidéo très mignon en fait. T'es un petit personnage, un oiseau, comment dire, anthropomorphique. Donc tu marches comme ça et puis c'est genre, t'es je pense une ado en fait. Le personnage est une ado qui est en vacances sur une île avec sa tante, je crois. Mmh. Et Elle veut aller en haut de la montagne pour avoir du réseau parce qu'elle attend un coup de fil. Et du coup, c'est des trucs un peu. Un univers un peu à la. Ah, j'ai oublié ce jeu très chiant avec des animaux là sur. Animal Crossing. Merci. Mais en mieux, plus. Enfin, c'est. En fait, il n'y a pas vraiment un enjeu de dingue, mais c'est juste un jeu pour si tu as envie de te poser. C'est très court, assez contemplatif avec quand même un peu des trucs à faire et tout. Enfin, c'est assez mignon et ça coûte rien du tout. Donc même moi j'ai envie de jouer. C'est plutôt ouais, c'est mignon. C'est pas un jeu où tu peux mourir. C'est pas un jeu où il y a du conflit et tout quoi. C'est vraiment juste pour une petite histoire en fait. C'est assez cool. Et l'autre, là tu peux mourir. non, en gros ça s'appelle Lonely Mountains Downhill et c'est un jeu de VTT. Et en fait, il faut descendre des montagnes, etc. Et c'est assez joli graphiquement. C'est de la 3D low poly. Donc, en gros, où on voit beaucoup les arêtes des formes 3D et tout ça. Et donc, en gros, c'est il faut descendre. Il y a des défis, en gros, faire la piste en moins de tel temps, te cracher moins de temps de fois, etc. pour débloquer des trucs. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, les pistes sont conçues de façon à ce que tu puisses prendre des raccourcis qui ne sont pas la piste principale. Donc, ça incite un peu à sortir des sentiers battus pour justement réussir à faire des temps intéressants, etc. Et c'est hyper bien conçu. La maniabilité est vraiment cool. Et puis, tu peux débloquer d'autres vélos qui te permettent de par exemple d'être plus à l'aise hors piste et donc du coup de gagner du temps. Enfin, c'est et pareil, ils coûtent pas très cher. Enfin, c'est des petits jeux. Les deux sont des jeux indés en fait et qui sont bah, qui sont chouettes. Voilà, j'y joue. Gamer. Bah, tu m'as donné envie sur le deuxième. Ouais, voilà. Moi, c'est le premier, la petite fille, la montagne et tout. Okay, ah ouais, bah. Bah moi, j'ai pas de recommandation particulière, mais je voulais placer un petit big up parce que sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle Poncept. Mais oui. Donc comme concept, mais avec un P à la place du premier C. Ou quelqu'un. A fait une faute, mais on lui pardonne. Non, je crois que c'est rapport à pop, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a recréé en figurine pop vinyle de chez Funko. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est voilà des trucs avec des gros yeux noirs et qui reprennent des personnages de pop culture. C'est un truc qui se vend beaucoup dans des trucs comme le Comic Con ou dans des magasins de BD. Et ben Poncept, en fait, il en a créé plein à l'effigie des running gags de Floodcast. Rien ça. Oui, c'est ça. Oui, il a créé, il nous a créé nous deux. Il a fait le Docteur Guigui. Il a fait le fantôme de Jacques Chirac, Michel Sardou, le Ténia, l'enculeur, Julien Pestel, voilà, méga gaffe. Enfin bref, il a créé tous ces petits en montage Photoshop. Il avait pas fait Groom aussi ? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ça, qui c'était avait quelqu'un fait d'autre. Mais oui, c'est un truc. On peut saluer aussi d'ailleurs. On lui fait aussi des bisous. Ouais. Je vais retrouver. Moi, je lui fais des bisous à lui. Et donc du coup voilà, donc je voulais Poncept, si vous voulez aller voir, c'est assez rigolo et je le remercie parce que c'est assez stylé, c'était assez cool de voir ça. Et maintenant, on attend juste que Funko les crée tout simplement. Et ben, oui, voilà. Et du coup, genre, on va faire aussi un big up à la personne qui avait fait les concepts des figurines de Groom. Il doit s'appeler Axel. C'est axl.customs avec un S. Et il avait fait tous les personnages de Groom. Bravo à axl.customs. Et pareil, voilà, faut les fabriquer. Ouais. Alors je crois que lui, parce que là, je crois que c'est juste des concepts, je crois que lui. Tu peux les lui commander les figurines et il les fabrique, mais c'est du custom donc c'est cher. Ouais. Mais je crois que lui, tu peux commander les figurines et c'est il les combien fabrique. C'est 8000 balles. Ouais. Non, mais je sais que McFly et Carlito, par exemple, on leur avait envoyé. Quelqu'un leur avait fait des figurines pop et du coup, ils les avaient en vrai. Quoi, tu vois, en fait, le truc, c'est si tu as déjà beaucoup d'argent, les gens te le donnent gratuitement. C'est le concept de la vie. Et fonctionne très bien. Et j'en profite aussi pour remercier parce que là, avec Spotify, il y a plein de gens qui nous envoient avec Adrien leur temps d'écoute. Du podcast. Enfin, des podcasts, ouais. Mais on voit dans le top 5 des podcasts et c'est des auditeurs de Floodcast nous montrent que Floodcast est numéro 1 dans leur truc. Et même, il y a le top décennie où j'ai vu qu'on était dedans. Sachant qu'il y a des podcasts depuis un an, je crois, sur Spotify, donc en vrai, c'est l'année. Siècle, en fait. Ouais, et puis surtout, oui, c'est ça. C'est, moi, je trouve qu'ils auraient pu mettre du coup de l'année. Podcast de tous les temps. Tant qu'on y est, voilà. Non, mais donc du coup, voilà, ça fait plaisir de recevoir tous vos messages, donc c'est cool. Ça veut pas forcément dire. Tant de choses que ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de podcasts et compagnie, mais ça touche quand même. Justement, que... ça veut dire qu'on est chambé et qu'en plus, il y a beaucoup de... on est premier et en plus, il y a beaucoup mais de podcasts. Donc... Vraiment les premiers sur Spotify. Sur Spotify, quand on en sort, on se bat avec l'After Foot, en gros. Okay. C'est vrai. Il y a l'After Foot, il y a un autre truc aussi. Il y a Radio Sex parfois aussi qui revient. Non, il y a un autre truc là, au-dessus de nous. De Domingo, je sais plus. Bon, bref. Mais en fait, c'est juste parce que la semaine dernière, on en a pas sorti. Mais bon, quoi qu'il arrive, on est quand même régulièrement dans le top 5, donc ça, c'est trop bien. Et même en règle générale, j'en parlerai plus. C'est gentil. Et j'en parlerai plus à la fin d'année si on fait un espèce de débrief de l'année avec Adrien. Mais même en termes d'écoute, on a presque doublé par rapport à l'an dernier. Donc c'est vraiment trop bien. Et donc voilà, j'en profite pour vous remercier d'écouter. Voilà. C'est d'être fidèle, c'est gentil. Voilà les amis, c'est la fin de cette émission. Je fais un dernier tour de table pour avoir l'actu. Donc Constance, tu es au théâtre. Je suis au théâtre. Au cinéma aussi. Il y a un film qui est sorti. Ouais, et c'était même pas Marocco. T'aurais dû en profiter. Mais merde. Mais non, mais c'est C'est un qui est actuellement au cinéma avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque qui s'appelle Joyeuse Retraite. Et Constance Labu. Voilà. Vous auriez pu m'y voir si je n'avais pas raté deux castings pour ce film. Deux rôles. Ah oui, j'ai passé le casting pour deux rôles. Après, pour c'était le rôle de Thierry Lhermitte. Et il est vraiment, vraiment très doué. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de casting pour ce rôle. Dit, Laissez-moi le jouer. J'étais sur le palier et ils ont dit, c'est nul. T'aurais été fabuleux, Adrien. C'est juste son prénom, mais c'est même pas le bon rôle. C'est génial, arrêtez. Mais j'étais déguisé en Popeye, j'étais en slip. Axel Malivernet, tu travailles là, je crois, sur la post-prod d'une série. Non, j'attends de savoir s'il y aura une saison 2. Pour l'instant, je suis chez moi, j'attends. Tranquillement. Bon, on espère qu'il y aura une saison 2 en tout cas un jour. Je suis en montage, mais d'une série qui a rien à voir. Rien à voir. Enfin, rien à voir. Rien à voir avec quoi avec la série Groom. D'accord, ok. Non, strictement rien à voir. T'es très bien, Constance, dans le montage qu'on a fait ce matin. De l'autre série. D'une autre de l'autre série. Qui serait pas rien à voir. Je sais pas. Rien à voir. D'accord. Ouais. Alors, si on imagine qu'il y a une saison 2, tu serais vraiment très bien dans, cette, dans l'épisode que s'il avait si elle existait, il montrait ce jour-là. Ouais, exactement. On peut rien, je suis paumé. Et Adrien, bah voilà, toi, tu as tourné. Moi, si jamais un jour il y a une saison 2 de Groom, je serais dedans. Bah, je vais écrire dessus et tout. Si j'ai, enfin, ouais. Bah, je pense. Hein, voilà. Sans l'imposer à Axel, mais. Enfin. C'est hypothétique, donc mais t'écrirais combien d'épisodes par exemple? 3 sur, et puis un peu, je ferais peut-être une passe sur un quatrième quoi. Ça, j'aurais jamais dit quoi. C'est assez précis dans ma tête. Ouais, je vois dans ta tête. J'ai des ambitions très précises. Ça a l'air, ouais. Et voilà, bah écoutez, puis moi j'ai Pitch toujours de Baptiste Le Caplain. C'est vachement bien. Ah, je voulais te le dire d'ailleurs. Ah bah merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah c'est avec Baptiste, c'est tous les deux. Ouais, mais je l'ai dit à Baptiste et je l'ai pas dit à toi. Bah ça me fait trop plaisir. Et d'où tu le connais? T'inquiète. Ouais. Et Baptiste qui. Si ça, on le mettra ce qu'elle vient de dire là. T'inquiète. Si on fait une saison 2, on mettra ça. Ah, c'est une bonne, bonne réplique. Ouais. Et si vous allez voir Baptiste faire des open mic et compagnie, bah, vous verrez peut-être des blagues que j'ai écrites avec lui aussi, puisque j'ai créé sur son spectacle. Voilà. Et la flamme, toujours en tournage, bientôt finie, là, bientôt terminée. Qui, ça, je sais pas quand ça sort, mais je sais que c'est courant 2020. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas, c'était merci très cool. Beaucoup, merci Flo, super. Bien. Je vous fais des bisous, ciao, bye. What Philippe Poutou?